Vraiment, il y aurait tellement à dire sur l'UQTR, tout ce qui se passe sur le campus, des arrivées de nouveaux profs, des départs à la retraite, des nouveaux couples, des décès. Mais pour un chroniqueur mondain, les principes sont les principes. Si t'organises pas de 5 à 7, t'auras pas ton nom dans ma chronique. C'est comme ça. De toute façon, il se fait tard, faut que j'aille me coucher. Il est 19h30 et j'ai tout dépensé mes petits coupons de vin blanc. À la semaine prochaine. C'était Sébastien Dulude pour la chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette un ragoût de chronique variée. La chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la chronique où on vous solutionne vos problèmes. Vous avez des problèmes et nous, on les règle. C'est ça que ça veut dire. C'est à peu près ça. C'est toujours difficile à expliquer, mais vous allez comprendre le principe en la commençant, cette chronique-là, François. Non? Oui. Une machine pour faire de la glace en dedans de 10 minutes. Ouais. En 10 minutes. Parce que t'arrives, bon, t'as besoin de glace. T'as un verre d'eau. Ton verre d'eau, il se boira pas tout seul, là. Il est tiède, il est température pièce, c'est plate, ça. Même si fallait le robinet bien longtemps, des fois, ça reste, pas très froid, tu sais. Hein? Ouais. Je comprends là-dessus. Mm-hmm. Donc, c'est le Countertop Ice Maker, offert par le magasin en ligne britannique Firebox, qui vient régler le problème. C'est un appareil de taille moyenne, on dit 34 cm par 34,5 par 41,5, capable de produire 12 cubes de glace en 10 minutes et jusqu'à 15 kg de glace en 24 heures d'utilisation constante et de surveillance aussi parce que l'appareil s'endort automatiquement dès que son réservoir d'eau de 2 litres est vide ou que son réservoir à glaçons est plein. Mais donc, si tu étais devant la machine, tu pourrais continuer de rajouter et faire... Tout le temps. C'est ça. Donc, il faut le vider. Alors, on peut choisir parmi trois tailles de glaçons, qui s'appellent petit, moyen et grand. Contrairement à d'autres, peut-être, restaurants, que ce serait Bambino, régulier et moyen. Mais le Bambino, c'est le petit, le régulier, c'est le moyen, puis le grand, c'est le familial ou quelque chose comme ça. Bref, une fois qu'ils sont prêts, on peut les récolter avec une jolie pelle en plastique incluse avec l'appareil, c'est quelque chose. Mais pour profiter de tout ça, il va falloir débourser 230 $ et se procurer un adaptateur parce que c'est sur le courant européen là, de 220 ouais. volts, donc il faut convertir ça. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, moi j'étais pas au courant que ça existait, mais tant mieux. Machine à glace? Non, mais pour faire de la glace en 10 minutes, là, François. Là. Oh, oui, mais 10 minutes. Oh, oui, mais tu peux en faire en dedans de 30 secondes. Là. 30 secondes? Ben, avec de l'azote, là, tu peux... Ouais, est-ce que ça va être toxique, ça? Non, un super presque parfait, le gars a fait ça. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Ça gèle, c'est comme instantané. Ça m'apprendra d'avoir banni mes télés. Ouais. Ah, génial. Faut que ça revienne dans ta vie, là. Ben ouais, je sais bien, mais là, crème, il se passe pas. Non, c'est pas vrai, faux, je sais pas. Bon. Je prends ça, quand tu te fâches, ton nez devient rouge. Ouais. Ok. Tu me connais peut-être un petit peu trop. Hey, François, t'as un problème, il y a un crime dans ton quartier ou quelque chose du genre. Ah non, ça c'est pas produit. Ben, en fait, joue le jeu. Là. Okay. Tu veux envoyer un bat-signal parce que tu veux que Batman vienne te sauver. Tu sais, bon. Ah, ça. Donc, ouais, ok, j'ai le goût. Oui, tu peux acheter un porte-clés bat-signal. C'est génial. Okay. Bat-signal Keychain. C'est ThingGeek. ThingGeek, un des sites préférés de tous les geeks du monde. Là, ouais, c'est pas pire, ce site-là. Ouais, c'est génial. Ils vendent plein de gadgets super cool. Donc, celui-là, c'est ça. C'est le Bat-signal. Parfaitement portable. Ça envoie le petit signal sur un mur ou n'importe où comme ça. Évidemment, dans le ciel, je sais pas si ça va vraiment être... Ouais, c'est ça. Ça prendrait de quoi de plus puissant, je pense. C'est peut-être un peu loin, exactement. Donc, c'est ça. C'est une bonne façon de faire rire les gens en envoyant un Bat-signal. Je sais pas si tu peux appeler Robin avec ça. Je pense pas. Hein? Non, Robin ne répond jamais. Non, c'est ça. T'occuper un peu. Hein? Bon. Pillow Mob maintenant, tiens. T'aimes quelqu'un, mettons, OK? Et tu veux dormir avec, OK, cette personne-là. Mais tu peux pas parce que cette personne-là veut rien savoir de toi. Donc, pourquoi ne pas faire imprimer sa photo sur un oreiller, un coussin et dormir avec le coussin avec la face de la personne dessus? Hein? Oh, ça te laisse bouche bée, comme ouais, je vois. Je... Donc, tu peux uploader, téléverser, comme les francophones voudraient qu'on le dise. Au site de Pillow Mob pour le faire transformer en un oreiller, un coussin des plus épeurants. Vous pouvez l'offrir à des étrangers, peut-être, ou à quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez lui donner votre face sur un coussin. Je sais pas pourquoi vous feriez ça. mais on dit que vous pouvez même offrir votre oreiller à vous, à des étrangers, c'est ça que je disais, pour la rendre disponible sur le site. Et ça va faire de l'argent pour une charité de votre choix. Donc, si tu fais imprimer, mettons, moi, je fais la face de quelqu'un que je viens de rencontrer à l'université, je le mets sur le site sans sa permission du tout, et ça donne de l'argent à une charité. La cause est bonne, l'idée d'utiliser la photo de quelqu'un qui n'a pas consenti, c'est une autre chose. Ouais. Pivot Power Strip, un de mes gadgets préférés. Je sais que dans cette chronique-là, le but de la chose est de parler de choses que vous achèterez jamais. Hein, jamais. Mais celui-là, j'oserais bien l'acheter, même que s'il y a un lien pour l'acheter, je pourrais le faire cette semaine. Ça. OK, donc, c'est mieux de ne pas en parler? Ouais, c'est ça, j'espère qu'il va en rester. Hein. Une Power Strip, d'habitude, François, c'est une barre, tu sais. Mm-hmm. Tu peux brancher 6 affaires dessus, mais là, toutes les prises sont collées les unes sur les autres. Et là, quand tu mets un bloc d'alimentation, mettons, pour un modem, ça vient prendre deux places ou même des fois 3 si c'est très, très, très large, le bloc. T'sais. Ça arrive, ça? Tu perds des prises, OK? Ouais. Ici, à la place d'être une barre, c'est un cercle, OK? Un cercle bougeable. Et à l'intérieur... Bougeable. Okay. Tu peux défaire un petit peu le cercle. Tu peux, comme, tu sais, le placer de différentes formes, mais en cercle, en général. C'est comme mou. Si je comprends bien, ça m'a l'air en tout cas mou parce qu'il y a comme des séparations entre chaque et que ça a l'air de tourner. Je l'ai pas vu en mouvement, mais j'ai vu que l'espace, ben, ça fait comme un genre de C, OK? Okay. Et le C sur la photo, le trou est pas de la même largeur, donc on dirait que tu peux au moins bouger un petit peu pour adapter à différents trucs. Mais l'idée, c'est que c'est un rond. Et si je vois bien les dessins aussi, c'est que tu peux virer la prise indépendamment aussi. Donc j'imagine que tu vas pouvoir envoyer le fil d'un côté ou le fil de l'autre. De l'autre côté. Et ce que ça donne, dans le fond, c'est 6 prises. C'est ça. C'est super beau. Super joli. Ça coûte 30 $. C'est chez ThingGeek aussi. Ça peut être pratique, ça, eux. Oui, et c'est que vu que le C a une fente, dans le fond, c'est que tu peux insérer ça autour de la patte d'un bureau. C'est ça qui me passionne le plus, c'est que vraiment tu peux insérer la patte et donc ça va pas prendre de place, ça va être vraiment au fond, à la place d'être dans tes jambes en dessous de ton ordinateur, tu sais, tu peux pas bouger comme faut. Autour de la patte, c'est parfait, ça bougera jamais. Moi en tout cas, je capote. 30 $, c'est vraiment pas cher. Formidable. Aero Dream One, c'est un dock pour iPod qui mesure 11 pieds de haut. Aero quoi? Le Aero Dream One. Donc, un dock pour iPod. Donc, tu peux insérer ton iPod dessus et l'écouter. Ça mesure 11 pieds de haut. Ça vient avec une échelle, d'accord? Ça coûte 500 000 $. Tu peux brancher ton iPhone sur le dessus. Il y a des speakers. Des speakers de combien est-ce que, de watts, est-ce que ça dit? 10 000 watts de haut-parleur. Ouais. C'est pour les riches, là. C'est pour les riches. Disons qu'à ce prix-là, hein, pour, en tout cas, quand même, t'as de la qualité. C'est ça, ça pèse presque 900 livres. Donc, c'est sûr que ça bougera pas, ça tombera jamais. Oui, et tu peux mettre ça partout. Hein? Partout, dans n'importe quelle pièce de ton manoir ou ton château. Il y a une attente de 6 mois, donc inscrivez-vous tout de suite si ça vous intéresse. Le Aero Dream One. Oui, OK, c'est l'hiver. Mettons, fais comme si c'était l'hiver. Mettons que c'est l'automne, il fait froid. Okay? Ouais. Bon, là, ce serait plus réaliste. T'as froid, tu veux te réchauffer. Donc, pourquoi ne pas avoir le Sanyo ENW-WW2. Toujours très catchy les noms d'appareils. C'est un waist warmer, donc c'est un réchauffe-taille rechargeable. C'est une ceinture avec une batterie au lithium-ion. Ion, lithium, patente. Et ça va garder ton ventre au chaud pour 7 heures suivantes. Et si ton corps est déjà confortable, tu peux quand même porter ta ceinture et charger ton téléphone cellulaire avec la prise. Ça va être disponible au Japon au mois d'octobre pour environ 100 $. Ceinture, tu mets ça en dessous de ton chandail, ça te garde au chaud, non? Ouais, c'est pas bête. Puis si c'est fait au Japon, puis qu'il y a peut-être une difficulté technique, peut-être un problème qu'il y a eu, peut-être que tes pantalons vont prendre en feu, peut-être. Parce que les iPods de à l'école, Japon, c'est ça. Dans ton cours, t'es assis. Oh, oh, oh. Wow! C'est chaud dans mes culottes. Ben oui, puis peut-être que t'aimes ça, dépendant. Le Portable Ping Pong Set maintenant, François. Portable Ping Pong, ça te dit ping pong portable. Ouais. Parce que dans la vie, t'as tout le temps envie de jouer au ping pong, mais t'as pas tout le temps une table. Ou une raquette, ou une balle, ou un filet, ou toutes les affaires qu'il te faut. C'est quand même pas mal d'articles pour jouer au ping-pong. Là. C'est pas comme un bolo. Non, non, c'est pas comme un bolo. Juste toc, toc, toc, t'as sur la fin. J'adore le ping-pong. Hein. Oui? Oh, ouais. T'aimes ça, le ping-pong? Oh, ouais, tout à fait. T'es un expert? Est-ce que t'es bon? Est-ce que tu serais capable de battre n'importe quel auditeur dans un concours qui pourrait être commandité et diffusé en nom de la radio, mettons comme sur RDS2 quand il joue des affaires de gars en train de trancher des arbres? Puis que c'est un sport. Je peux pas dire que je battrais tout le monde, mais puis en même temps, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Bon, bon. Donc, tu pourrais pratiquer avec ce Portable Ping Pong set-là, d'accord? Donc, ça vient de Convenient Gadgets. Et là, il y a une critique sur le site de craziestgadgets.com. Ça inclut... donc, c'est tout pour jouer à du ping-pong comme ça, à distance, n'importe où, dans votre sac à dos. Donc, deux palettes, deux balles, un filet expandable, donc réglable à différentes longueurs. Et un sac pour transporter tout ça, très très joli. Le filet est ajustable jusqu'à 16 pieds de large. Et il y a des pieds en caoutchouc qui tiennent sur n'importe quoi. Et les pattes ont un poids dedans, donc c'est sûr que ça tombera jamais. Et on dit sur n'importe quelle surface, n'importe quelle, donc pas besoin de table de ping-pong, n'importe quelle table, ou même si vous n'avez pas de table, ça peut être une planche de bois, je sais pas, la plage peut-être, un bar, le capot de votre voiture... N'importe quoi, c'est convaincant quand même. L'autre chose qui est amusante, c'est qu'on peut enlever ou c'est comme rétractable les manches des palettes. Donc ça prend encore moins de place que ça. Et ça coûte seulement 33$, 32,95$. Si vous voulez aller l'acheter, c'est sur le site assemblagerequis.com que le lien se trouve. Je trouve l'idée très bonne, moi. Non? Ouais. Oh oui. Ouais. Une autre idée qui est aussi bonne, c'est t'as le problème que tu veux laisser des notes à ta copine, mettons, okay, à la maison. Situation réaliste, tu veux laisser une note à ta copine. C'est déjà arrivé? Ouais. J'imagine. T'as plus de papier, t'as plus de rien du tout. Et elle les voit jamais tes messages, mettons, quand t'en as du papier. Mais le matin, ta copine boit tout le temps une tasse de café. OK. Donc, tu changes sa tasse pour la Memo Mug. C'est une tasse qui est plate d'un côté, donc tasse normale, mais plate d'un côté. Et sur le côté de la tasse qui n'a pas la poignée, le côté opposé à la poignée, il y a une place pour mettre le crayon qui vient avec. Donc, c'est un crayon un peu comme sur un tableau blanc. Tu peux sortir le crayon et écrire sur sa tasse. Directement sur la tasse? Directement sur la tasse. Et là, ta copine, c'est sûr qu'elle va le lire. C'est sûr que tu vas avoir du lait quand tu vas revenir à la maison le soir. Parce que je sais que tu triplais, tu me l'as dit l'autre fois. Ouais. Donc, c'est Memo Mug, génial. Et de toute façon, la plupart des tasses finissent par servir pour mettre des crayons souvent. Fait que tant qu'à ça, tu joins le meilleur des deux mondes. Ouais. Non? Memo Mug. Ensuite, une autre façon de laisser des notes. Tiens, t'aimes pas écrire, premièrement. Peut-être que tu sais pas écrire. François, tu ne sais pas écrire. Ah, non, je suis pas capable. Donc, t'achètes le Play. C'est quoi son nom? C'est un produit le que t'achètes. PlayStation. D'accord? Non, mais ça s'appelle juste Play, quelque chose de genre. C'est un genre de petit appareil avec 250 mégs à l'intérieur, OK? Et tu peux enregistrer une vidéo de toi-même, en train de dire à ta copine de faire quelque chose. Donc, tu peux enregistrer des vidéos jusqu'à 3 minutes chaque ou plusieurs plus courts messages que ça. Les vidéos peuvent être regardées ensuite sur l'écran de 2,4 pouces LCD avec des piles 3 piles 3A. Et les batteries vous permettent de lire jusqu'à 3 heures de vidéo. Donc, évidemment, à 3 minutes, la vidéo, Disons que ça va prendre peut-être beaucoup de vidéos pour remplir ça. Donc, à la place d'avoir une bande autocollante comme les post-it, à l'arrière, il y a une bande magnétique dont on peut attacher cette affaire-là. Et l'affaire ressemble à une bulle dans une bande dessinée avec une petite flèche. Là. C'est super cool. Donc, tu attaches ça magnétiquement sur un réfrigérateur. Ça coûte environ 80$. Et vous allez pouvoir le choisir en vert, en rose, bleu, mauve, rouge, blanc ou noir. Donc, ils ont pensé à tout. C'est Native Union, la compagnie qui fait ça. Fantastique. Ça, là, ça, c'est une belle affaire. Tu aimes les feux d'artifice, ça paraît. À chaque fois qu'il y en a, t'es tout le temps dehors en train de regarder ça. Tu fais comme « wow ». Comme ouais. Ma blonde. Ma blonde, elle veut tout le temps qu'on sorte dehors. Je fais comme « c'est des feux d'artifice. Yeah, super ». C'est un projecteur de feux d'artifice qu'on tient dans la main. Un projecteur de feux d'artifice, là tu me diras, mais attends un peu, projeter des feux d'artifice, donc c'est pas des vrais? Ben en effet, c'est pour les enfants un petit peu. Donc c'est un espèce de genre de canon, si on veut, qu'on tient avec une poignée. Le projecteur a une poignée à pompe, là, un peu comme un fusil à l'eau. Et là ça va, tu connais ça la pompe, t'aimes ça ce mouvement-là? Ouais. Vraiment ça. Et ça va lancer un bruit qui ressemble à un feu d'artifice et la projection de différents feux d'artifice sur un mur, par exemple. Ça coûte 40$, disponible chez Amaker. Ouais. Je sais pas si l'effet est... réussi. Ouais. J'ai des doutes. Ouais, moi aussi. De légers doutes. Un genre de skin pour iPhone, mais vraiment une très très bonne idée. Je sais pas si t'as déjà eu cette idée-là avec ton iPhone, de mettre un élastique autour pour que tes écouteurs tiennent. Tu sais, quand tu l'enroules, t'enroules tes écouteurs, tu mets un élastique pour que ça tienne. Tu traînes jamais mes écouteurs. Non, jamais. Non, jamais. T'écoutes pas de musique sur ton iPhone? Plus ou moins. Plus dans ta voiture, t'as un lecteur cassette 8 pistes, j'imagine, dans ta. Un track, ouais. Dans ta tempo, là. Ouais. C'est à peu près ça. Hey. C'est pas une tempo, comment t'appelles ça? Un peu de respect, c'est un tempo. Un peu de respect pour mon auto, mais non, non, mais c'est t'as pas de respect? Non, mais à matin, j'avoue que j'ai manqué de respect. T'abordes pas. C'est ça. Tu chiales quand t'es dedans. Ben là, c'est parce que la ceinture, elle veut pas se rembobiner dans son truc. Mais oui, mais... Le matin, elle a réussi, fait qu'il faut y donner ça. Penses-tu que c'est de sa faute? Ben là, Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, tu mets pas d'écouteurs sur ton iPhone, c'est ce que ça voulait dire? Ni d'élastique. Mais il y a des gens qui font ça avec des élastiques. À la place, ça arrive ou? Ben moi, je. J'ai jamais vu personne. Ça? Non, ben moi non plus, en fait. T'es en roule autour? Ben moi non, j'aime pas ça en rouler autour parce que je sais pas, j'aime pas ça. Ce que je fais à la place, c'est que je prends mes écouteurs par les trucs qu'on met dans l'oreille, je l'enroule autour de mes doigts, et après ça, je passe le. Je fais un petit nœud dedans, je mets ça dans mon sac à dos. Ah. Mais ce que. Je parlerai d'un autre gadget, mais vu que la chronique est longue, à un moment donné, je vais finir avec celui-là. Mais c'est un skin, donc tu mets ton iPhone dedans, et à l'arrière, il y a des bandelettes, OK? C'est comme un genre de dos de caoutchouc, OK? Séparé en 6 tranches d'élastique, d'accord? Indépendantes après ce skin-là. Et donc, tu peux soulever les élastiques à l'arrière du skin, insérer tes écouteurs dedans, même brancher, et puis relâcher l'élastique. Et là, tu peux même mettre de l'argent et ça tient après ton iPhone. C'est vraiment une très, très bonne idée. Très bien fait. Pour l'instant, je crois que c'est un concept, mais je crois que ça va être vendu parce que ça a été créé par Yuri Koo qui a gagné le prix Korean Belkin Design Award. Et c'est fait par Belkin. Oui, c'est fait par la compagnie Belkin, donc c'est sûr que ça va être vendu, si ce n'est pas déjà. Belkin, on sait qu'ils font des produits excellents la plupart du temps. Donc, c'est le Elastic Case. Et j'aime vraiment l'idée. J'adore ça. Une autre idée que j'aime pour les écouteurs, si jamais ton fil s'en mêle tout le temps, on a déjà parlé de ça dans la chronique ou dans une autre, peu importe, c'était des écouteurs avec un zipper que tu pouvais lever le zip et les écouteurs au complet étaient faits comme du zip. Donc, tu pouvais zipper à la hauteur que tu veux et après ça, c'est plus facile à serrer, ça s'en mêle moins. Jusqu'à maintenant, c'était un concept, mais maintenant, la compagnie Echo, tu sais, ceux qui font des écouteurs pas très, très chers, là. Echo, c'est pas une compagnie de linge? Ouais, non? Mais ils font des écouteurs pas très très chers et pas très très de qualité. Ça va coûter ça environ 30$ et là, c'est vraiment, ça va exister, ça va être vendu en magasin. Donc vous allez pouvoir zipper vos écouteurs et arrêter de vous en mêler parce que moi, disons que j'ai mon sac à dos sur moi, mes écouteurs vont tout le temps pogner dans le sac. Là, c'est tout le temps en train de tasser. Il faut tout le temps sortir sur tes fils. Puis là où les écouteurs se font tirer puis ça sort de tes oreilles, ça devient gossant. Donc, des zippers, j'aimerais vraiment ça. T'écoutes un film en 3D au cinéma et t'aimes pas ça prendre les lunettes que les autres ont déjà utilisées. Parce que souvent, tu peux prendre des lunettes usagées au cinéma, tu savais ça? Ouais. Lunettes usagées. À la place, c'est des lunettes clip-on de LG. Qui fixent directement sur tes lunettes à toi. Pareil comme les vieilles personnes âgées qui ont des lunettes de soleil qui viennent se clipper à leurs lunettes normales, ça arrive. Et bien dans ce cas-ci, c'est pour les 3D, donc ça a l'air encore plus fou. Mais quand même, pas si pire, bonne idée. Bonne idée. C'est LG qui l'a fait. Voilà. Et pour terminer, tu veux contrôler ton iPhone sans sortir ton iPhone de ta poche et il fait froid en plus, donc tu as froid aux mains. Donc pourquoi ne pas combiner les deux et acheter des gants? C'est la compagnie Burton, on connaît tous ça. Donc c'est des gants que tu mets et à la place, tu as sûrement déjà entendu parler des gants que tu fais contrôler un iPhone parce qu'il y avait des petits boutons au bout des doigts. Là. Ouais. Pour faire l'induction ou peu importe ce qu'il demande pour l'iPhone. À la place, ici, c'est à l'endos de la main et c'est des boutons. Ça fonctionne par Bluetooth.

OK, tu peux transporter jusqu'à 22 livres de cossins, si on veut. Il y a des poches régulières, des poches super size. Tu peux mettre des souliers, des chandails, des pantalons, des livres, des laptops et même des bouteilles de vin dans ce manteau-là. Tu vas avoir sûrement d'un imbécile en le faisant. Ouais, puis d'après moi, ils vont te fouiller, hein? Oui, probablement, mais au moins, tu vas pouvoir l'amener dans l'avion après sans avoir à le mettre sur dans le compartiment, tu sais, le overhead, là, les bacs à trucs en haut de toi. Ça coûte 39$. Si vous voulez, pour le format, ça, c'est petit, c'est plus pour les enfants. Et puis, c'est 47$ pour le format adulte, moyen ou grand. Même prix. C'est bien, hein? Deux grosses poches, deux encore plus grosses poches et deux poches additionnelles. C'est ce qu'on dit dans la photo qui vous pointe les poches, si vous voulez aller voir l'article sur assemblagerequis.com avec un monsieur. Arrête de parler de poches, là. Bon, ben, Colin, hein? Hey, hein? Là, on va loin pas mal, je trouve. Power Wheel, Bike Wheel. Toujours des noms vraiment accrocheurs. Oh, ouais, c'est fou, là. 2000. Le Potato Peeler. Power Wheel, Bike Wheel. D'accord. Donc, ça dit Power Wheel, donc tu t'attendrais à ce que ce soit bon pour un vélo, pour commencer. Donc, tu t'attends à ce que ce soit quelque chose pour peut-être monter des côtes plus rapidement, tu sais, sans te forcer, tu sais, n'importe quoi. Non, c'est le contraire. C'est pour ceux qui s'entraînent pour le Ironman. Oh! C'est la grosse course de vélo, là. Donc, ça fait exactement le contraire de ce qu'on pense. C'est une roue complète, là. Il faut que tu changes ta roue pour cette roue-là. Qui te donne plus de tension. De tension. C'est exactement ça. Donc, c'est fait pour remplacer ta roue et te rendre la vie plus difficile, même quand tu vas à des vitesses très lentes. L'affaire, quand tu t'entraînes, même si tu mets... tu sais, faut que tu avances vite quand même pour que ton vélo avance, tu sais, genre... C'est comme, tu comprends-tu, quand tu fais du vélo normal... Tu rajoutes de la tension, ça va devenir difficile de pédaler, mais en même temps, tu vas aller vite. Là, tu veux aller lentement. Fait que lui, tu sais, il vient comme compenser pour ça. Tu vas lentement, mais tu t'entraînes comme si t'allais vite. Ou tu sais, c'est comme la force qui dépend. Là. En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais quand même. Power Wheel, c'est comme une roue plus lente, qui te ralentit, si on veut. Voilà, il y a aussi un modèle qui va être plus petit que ça, plus simple, qui s'appelle le Slow Wheel, qui va être disponible bientôt. Trois niveaux de résistance. Et c'est fait pour être beaucoup moins cher pour ceux qui s'entraînent pour une course de vélo. Ouais. Le jeu d'opération, je sais pas si je t'en avais parlé. Je crois que oui, mais je suis pas certain. Le jeu d'opération de Star Wars où tu opères R2-D2. Tu sais, opération, le jeu avec les buzz là, sur le gros monsieur avec un nez rouge. Là. Bzzz. Et vous enlève son foie. Ouais. Bon, il y en a un avec R2-D2. Ah. On l'avait révélé au mois de juin. Je crois qu'on avait parlé de ça à l'émission. Et maintenant, ça ship. Donc, c'est en cours d'envoi pour ceux qui l'ont commandé. Vous pouvez aller l'acheter. Ça coûte 30$. Tu peux enlever des hologrammes de Léa. Tu peux enlever des petits casques de Darth Vader à l'intérieur du R2-D2. Ouais. C'est une bonne idée. Un beau petit jeu. Ensuite, tu trouves que t'as pas encore l'air assez imbécile avec tous les gadgets qu'on a proposés dans la chronique pour un iPhone. Tu sais, t'avais la main de bébé que tu pouvais tenir, ton iPhone. L'oreille avec, aussi? Ouais, la grosse oreille, exactement. Dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose que l'oreille, mais par contre, c'est un skin qui va sur ton iPhone, donc un bout de plastique que tu mets ton iPhone dedans. Et dessus, à l'angle parfait où les gens tiennent leur téléphone, c'est l'image d'une oreille, mais avec des gadgets, des accessoires, mettons. Par exemple, t'as, bon, la peau la plus blanche possible, juste une oreille blanche, tu sais, vraiment, avec le reste de ta face, puis des cheveux foncés. L'autre, t'as trois boucles d'oreilles. Mais c'est pas gros comme... Non, c'est exactement de la grosseur du iPhone. C'est vraiment juste un skin que tu mets ton iPhone dedans. C'est tout petit, c'est la même grandeur. Okay. Donc, mettons, 3, 4, 5 boucles d'oreilles. L'autre, c'est, tu sais, les espèces de choses là, que tu mets dans... Tu sais, qui fait un trou dans ton oreille, là, tu sais, là, c'est vraiment laid. Là. Ouais, des bearings, je sais pas quoi, là, des truc de plastique. Pas des stretch, des... Ouais, mais genre qui étire ta peau graduellement. Ouais. Bon, ben, t'as ça sur cette image-là. T'as un genre de Bluetooth vieille mode, là, genre du début des années 2000, sûrement, tu sais, un genre de vrai vieux Bluetooth affreux. Et puis, t'as différentes sortes de peaux, donc voilà, tu peux faire la combinaison que tu veux. Ça s'appelle les Ironic iPhone 4 Cases, et c'est 20$. Okay, c'est pour l'iPhone 4, ça? Oui, exactement, pour l'iPhone 4 seulement. L'iPhone 5, j'espère qu'il va avoir des oreilles comme ça aussi, hein, parce que là, sinon, ça va faire patate. Non, mais iPhone 3, non? iPhone 3 ça marche pas. Par non, il est pas la même forme. Mais non, ils font plus ça. Et les étuis, ils sont plus chers par contre. Hey, c'est un iPhone 3. Juste une petite parenthèse comme ça. T'as-tu vu en fait l'espèce de vidéo du iPhone 5? Que le fake, les nombreux fakes? Ouais. Ouais, ben ouais, j'en ai vu quelques-uns. Je sais pas si j'ai vu le graphique. Ah, Colin, non, j'ai pas vu celui-là. Ah, ça a l'air bien. Bon. Ouais. Ah, on dit mois d'octobre, les rumeurs. Mois d'octobre. Peut-être Canada novembre, on sait pas. On verra. Ensuite, tiens, tu veux prendre des photos, François. Premièrement, on sait tous que t'es un pervers. Ben, merci. Ça va sans dire. Mais tu veux pouvoir aller, par exemple, par-dessus, je sais pas, mettons, la porte d'une toilette, mettons, tu sais, ou quelque chose du genre. Ouais. Peut-être que tu veux aller... Non, ça pourrait servir pour des utilisations complètement saines aussi, là, tu sais. Mais c'est une pole pour ton appareil photo avec, dessus, un gadget que tu peux mettre sur le bouton. Et c'est ça, c'est un déclencheur. Un déclencheur. Là. Fait que d'en bas, c'est 20 pieds de pôle. Crime quand même. Ben, et là, tu peux appuyer sur le bouton à distance. Et tu peux le faire non seulement à la verticale, mais aussi à l'horizontale. Donc, si, mettons, tu dois entrer dans un espace, tu sais, un peu comme un docteur, tu sais, mais peut-être pas qu'une caméra grosse de même. Merde. Mais tu vas vers l'endroit que tu veux, tu prends la photo, tu reviens, c'est fait. JPEG, Facebook. Ouais. Très ajustable, très très bonne idée, c'est joli. C'est 200$ pour le système au complet. C'est cher quand même. 200$. Ben, si tu t'en sers. Exactement. Dans la vie, oh, tu sais, ouais. Hein, chacun ses passe-temps là. Ouais. Bon. Je sais pas quelle maladie nécessite un truc pour vérifier ta pression. Là. Beaucoup de maladies en ce moment. Oui, j'ai plusieurs maladies. Mais t'as pas envie de t'acheter le système complet. T'as déjà un iPhone, donc tu veux t'acheter le iPhone Blood Pressure Monitor. Qui est un moniteur de pression sanguine qui vérifie votre pression hein, et affiche les résultats à l'écran de façon très, très détaillée. Ça montre les trucs systoliques, diastoliques, pulsation, le pouls, etc. Ça montre tout ça. L'heure, la date, tout est là, tout est bien archivé. Pratique et utile pour ceux qui ont besoin de ce genre de choses-là. Vous pouvez faire jusqu'à 100 tests par charge et vous pouvez voyager avec. C'est disponible avec tous les iPhones, iPad et la plupart des iPod Touch pour 99$. L'idée est bonne dans ce cas-ci. L'idée est pas pire. Ouais. Une autre drôle d'idée, celle-là, par contre, le Pocket Chainsaw. Le Pocket Chainsaw. Pocket Chainsaw. Je sais pas si tu as vu les infopubs à la télé. En anglais, il y en a. Ils te vendent dans les infopubs une chaîne dans un contenant. Tu peux la défaire et puis tu peux aller scier un arbre. Puis là, ils te montrent là, vraiment du monde en train de scier des arbres avec là. Puis ça, ils vendent ça là, à la télé, tu sais. OK? Non. Ben, c'est ça. Puis là, il faut que tu appelles, puis c'est tout le gros processus. Moi, Pocket Chainsaw, j'ai trouvé ça pour bien moins cher sur les sites des internets, là. Beaucoup moins cher, ça, là. Tu peux aller jusqu'à... Ça va faire 28 pouces de longueur quand tu la déplies, mais ça entre dans une petite canne, là, genre, de métal. On dit que c'est idéal pour les pêcheurs, les chasseurs, les campeurs, les randonneurs. Tout ce qui finit en heure. À peu près. Et les gens qui aiment les trucs de survie, là. Les survivants, voilà. Tout ça est moins clair. ça pèse seulement 5 onces dans sa canne. Et c'est idéal pour les gens dans des petits espaces qui n'ont pas de place dans leur sac ou dans leur camion pour traîner une grosse chainsaw. Ouais, écoute, je suis sur le site internet. C'est pas non plus des gros arbres. C'est une branche presque. Ouais, hein, c'est ça, là. Faut pas, là. Tu te vois dans la vitesse normale. Là. Ouais, c'est ça. Pocket Chainsaw. Ah, je crois, et je crois que c'est le produit annoncé dans l'infopub, celui-là. Mais je suis pas certain. En tout cas, Pocket Chainsaw, c'est ça. Tu bâtis pas une maison avec ça, alors. Et quand même, non, mais à moins que tu te fasses une maison en bâton de popsicle. Hein? Ouais. Des popsicles. Non? T'as pas de réaction envers les popsicles, toi? Ah, toi, tout ce qui est sur un bâton et celui-là, je t'aime pas ça. Hein? Ça essayait d'être cochon, mais ça l'était pas du tout. un autre gadget, en fait, je considère que celui-là est un gadget, parce que tu sais, dans la chronique, ça explique, ça devrait pas, on l'a. Des fois, c'est des gadgets, des fois, c'est des trucs qui n'ont aucune batterie et aucun circuit dedans, donc on peut pas appeler ça un gadget du tout, ça. Celui-là en est un, mais c'est pour quelque chose qui devrait pas en avoir. OK? On se comprend. Tu es dans une maison ou un appartement. OK? Ça, c'est vrai jusqu'à maintenant. Est-ce que t'aimes les plantes? À part moi, Mathieu Plante. oui et non. Moyennement. Ben, j'aime ça, mais on Tu veux pas t'en occuper? Ben, est-ce que c'est ça? Ça aiderait pour mon sketch. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu veux pas t'en occuper? Cool. Donc, Click and Grow Computerized Planter. Okay? C'est des plantes ordinateurs pour les gens qui veulent pas s'occuper des plantes, mais qui veulent avoir des vraies plantes et non des plantes de plastique. Est-ce qu'on se suit? Non, du tout. Je t'explique. Donc, t'as un contenant, d'accord, qui fait très, très rétro. C'est quand même joli. Donc, t'insères une seed cartridge, une cartouche de graines, hein, dans cette machine-là. La plante va pousser. Tu mets 4 piles 2A qui va s'occuper de tout le matériel électronique et tu mets l'eau jusqu'à la ligne. Et à partir de là, il va s'occuper tout seul de mettre l'eau dans tes plantes. Parce que le plaisir des plantes, il me semble d'habitude, c'est de les entretenir. Mais il y en a que c'est juste qu'ils soient belles. T'sais. Ça peut arriver. Donc voilà, l'eau va se mettre toute seule. Et il va y avoir une alarme, un petit indicateur, une lumière là, qui va vous dire quand vous allez devoir changer les batteries ou encore changer l'eau. Ajouter plus d'eau. Hein? Ça enlève tout ce qui est beau autour du jardinage tout en vous laissant juste les plantes. En tant que 78$ pour le kit au complet. Je sais pas, je trouve que c'est une drôle d'idée. Ouais, c'est une drôle d'idée. Pour ceux qui veulent avoir un appartement avec des plantes puis avoir l'air super écologique puis qui sont paresseux ou qui travaillent beaucoup, ça pourrait être utile. Marvel, c'est la compagnie Williams-Sonoma qui ajoute à leur ligne de produits de cuisine sur le thème de Marvel. Donc, on inclut des spatules en forme de Spider-Man, Iron Man, Hulk et Captain America à la collection. C'est entre 14 et 50 $. Vous pouvez donc faire des petits biscuits en forme de tête de Iron Man avec une spatule de Iron Man. Non? Non. Non. Rendu là, celui-là, tu m'écoutais plus. Hein? Non, je t'écoute, mais... Ben, moi, je serais pas, là, mais ça se peut. Ceux qui aiment, c'est correct aussi. Il y en a qui aiment Winnie the Pooh. Chacun son genre. Oh, ouais. Ben, OK, un chose pour barrer son vélo, donc un cadenas pour barrer son vélo, c'est toujours bien. Ouais. Hein? Sauf que des fois, tu veux aussi envoyer un signe de haine envers les personnes qui volent les vélos. Hey, wow, c'est hot, sérieux. C'est hot. Tu l'as vu? Ouais. C'est donc un cadenas à vélo en forme de finger. Ouais. Finger! Au voleur, puis c'est comme, ben, ils vont dire, ben, Colin, il m'a insulté, cassé, je m'en vais chez moi, je volerai pas son vélo. C'est sûr que ça va te régler tous tes problèmes. C'est 120 $ pour dire F you, ou comme dirait la version censurée de la chanson, Forget you, forget her too. C'est CeeLo Green. Ouais, mais c'est très hot. Je le vois, là. C'est bien fait. Oh, beau, ben oui, mais c'est beau. Est-ce que je te mènerais sur un mauvais chemin? Là? C'est toujours beau ce que je te dis. Bon. Une ville de mémoire flash maintenant, tiens. Les cartes mémoire SD, les clés USB, c'est toujours facile de ne pas savoir où les mettre. Tu sais, c'est difficile de les mettre en ordre pour que ça ait l'air beau. Parce que c'est jamais beau des clés USB branchées. T'en as comme des fois, t'en as plusieurs pour différentes situations. T'as peut-être la clé USB de ton clavier à maison, ta souris, des affaires là-bas. Donc, Memory City, c'est une station d'accueil en forme de village montagnard dans laquelle on peut brancher une variété de supports numériques. C'est pratique, évidemment. L'agencement ressemble à un centre-ville parce que les cartes mémoire jouent le rôle de gratte-ciel. Est-ce que tu as vu? Oui, ben l'image est très petite. Oui, ben en effet, tout à fait. Et on peut pas cliquer dessus, bravo. Non. Quand même. Donc, on a de la place pour 4 clés USB, 3 cartes SD, 3 cartes micro SD et 3 capuchons clés USB. Donc, oui, c'est bien, vous avez compris, là. 4 clés USB, mais seulement 3 capuchons. Pourquoi? Soit parce qu'il y a des clés qui viennent avec pas de capuchon ou encore les gens perdent leur capuchon avec le temps. 13 $ environ. Ah. Pas vraiment. Pas, non. Moi, ça m'attire pas tant que ça, ces gadgets-là. Moi non plus. Le prochain non plus, sûrement pas. Pour ceux qui aiment la construction, tu sais, peut-être que vous vivez près de Montréal, je sais pas trop quoi, vous avez tout le temps la construction dans les jambes, ça devient fatigant, hein? Donc, on vous donne une... Ben, on vous donne pas, on vous l'a avant. une assiette orange qui va servir de chantier de construction routière et des ustensiles aux formes de machinerie lourde, hein? Ça va permettre à vos enfants ou à vous-même, si vous adorez ça, d'envoyer des légumes avec le petit camion dans la tête fourchette, puis demander... Sérieux, ça, c'est hot. Ah ouais, pour vrai, je pensais pas. Cool. Wow! Ouais, hein? C'est beau. L'assiette est divisée en compartiments et c'est des plans inclinés, donc où il y a des côtes pour que vous puissiez vraiment avoir un défi, là, tu sais. Ce qui va permettre à la pelle mécanique de pousser la nourriture jusque dans la cuillère. Donc peut-être que si tu descends la côte avec, ça va rentrer mieux dans la cuillère, je sais pas. 15 $ ce gadget-là, François, si tu veux. Matt, je te fais une confidence. Hein? Je l'achète. Pour vrai? Ouais. Ah, wow, mais là, il aurait fallu que tu te fasses un cadeau. Là, tu sais déjà, je te l'ai dit en nom. Non, mais c'est pas pour moi, là. Ah, pour... Ah, ben oui! Le petit François-Olivier Junior! Oui! Hey, sérieux, il va... Ouais, c'est formidable. Ben, j'avoue, c'est une maudite bonne idée pour les enfants, ça. Ça, en fait, t'achètes ça sur le site Geek Alert. Sur le petit lien dans l'article, si tu vas sur assemblagerequis.com, oui, Geek Alert, tu cliques là-dessus, puis là, ça t'envoie vers le lien pour pouvoir aller l'arter. Ça mène vers un autre article qui parle aussi de la chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps ça, les blogs sur Internet. Il n'y a personne qui fait du contenu original sur Internet. Surtout pas branchez-vous, en fait. Pin, burn! Non, mais c'est... Dans ta face. C'est qu'ils prennent des articles de d'autres, et puis à la place de mener vers le magasin, ils créditent la source où ils prennent les nouvelles. Mais je préfère ça que les articles qui ne donnent pas leur source et qui font comme si c'était eux qui l'avaient écrit. Ça m'énerve au plus haut point. Ouais. C'est pour ça que sur assemblagerequis.com, les liens de tout ce qu'on dit dans les chroniques sont là, parce que c'est pas moi qui les ai inventés, c'est sur Internet. Ben... Hein? Ben... C'est dit, c'est la chronique, ça existe, en parenthèse, mais ça devrait pas, virgule, on l'a, fin de la citation. Parce que je me citais moi-même en train de dire le nom de la chronique. Tu sais, on voit tout le temps ça, des guillemets partout, hein. Ouais. Tu sais, il y a des blogs juste pour ça sur Internet, des guillemets. Tu sais, mettons, tu vas dans un restaurant asiatique, puis ça dit genre, fine cuisine asiatique, mais c'est marqué en guillemets, c'est comme, oh. Ah ouais, t'es sûr que c'est vraiment de la fine cuisine? Pas vraiment. Non. Je trouve ça bizarre, hein. Fait que sur ça, c'est ça. Ouais. Tu me laisses construire comme ça. Ouais. Je trouve que c'est un petit peu inconfortable. Mais comme non. Non.

Sébastien Dulude. Hey, hein? Une belle main d'applaudissements. Ben, applaudissements. Nous, on en faisait autant en studio qu'on était là. Wouhou! Sébastien Dulude. François, tu connais la chronique « Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a ». C'est la chronique où on vous trouve des problèmes et ensuite on les règle. Parce qu'on est de même efficace comme ça. Efficace! L'efficacité énergétique. Ah ouais? Eh ben, c'est important, on entend parler partout. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, raconte-nous une histoire. François, si mettons tu utilises ton vélo, ouais, mais seulement pour faire des petites commissions, tu ne fais jamais vraiment de grandes randonnées, donc tu n'as pas besoin de bouteille d'eau dans le rack à bouteille d'eau. Bon. Pourquoi ne pas remplacer ta bouteille d'eau par le bottle lock? Le bottle lock, c'est une chaîne de sécurité qui s'enroule automatiquement dans un réceptacle en forme de bouteille d'eau. Et lorsque vous arrivez à destination, vous déroulez la chaîne et vous verrouillez votre vélo. Puis quand vient le temps de reprendre la route, vous déverrouillez la chaîne et elle reprend immédiatement sa place cachée dans la bouteille. Pas besoin de se battre avec elle pour la replacer. Pas besoin de trouver de place dans le sac à dos. Bonne idée, pareil. Ouais, ça peut être bon. Ça peut être une bonne idée. On sait pas encore quand ça va être disponible, mais on sait que ça va coûter 30$ environ, donc c'est vraiment pas si cher que ça. Allez, ils l'ont pas fait, mais ça va coûter 30$. On sait pas quand ça s'en vient. C'est fait, mais on sait pas quand. Ça va être vendu. Ils savent pas quand ils vont sortir, mais ils savent comment ça va coûter. C'est la première affaire à décider, c'est vraiment le prix. Bon, c'est important. Quel prix qu'on vend ça? 30$. OK. Puis si ça sort à 6 ans, 30$, ça n'aura pas la même valeur qu'aujourd'hui. Ah, du coup. Là, tu cherches le trouble, le polisson. Un petit peu. Petit polisson, petit il faut dire. Petit polisson. Reste poli, petit polisson. Est-ce que t'aimes jouer avec des avions en papier? Non! Ça vole pas, mon affaire. Ça vole pas, ça vole pas haut. Celle-là va encore moins voler parce qu'elle est faite de plastique ABS. Mais pourquoi est-elle faite de plastique ABS? Pour retenir la porte. Je l'avais déjà dit, là. Oui, c'est pour mettre en dessous d'une porte. Comme ça, t'as l'impression que quelqu'un a joué avec un avion puis c'est atterri, mais c'est lourd, cette affaire-là. Fait que ça tient la porte comme faux, mais ça a juste le look d'un avion de papier. C'est le Paper Airplane Door Stop. J'en veux trois. T'en veux trois? C'est le... Caroline, super. Vous pouvez l'acheter sur assemblagerequis.com, le lien est là. C'est sur ThinkGeek. C'est ThinkGeek. Bon, c'est quand même hot, ça. Un de mes sites préférés, je pense. 12$, c'est pas cher, 12$. Là. C'est un bon plastique super solide. Ça dit que ça... acheté un? Non. Ça dit que ça garde les portes ouvertes 48% mieux que n'importe quelle marque d'avion de papier qui retient les portes. Mais il n'y en a pas d'autres. OK. T'as besoin d'un tapis pour ta maison? Non. Mettons, joue le jeu, là, t'as besoin d'un tapis. Et t'aimes beaucoup... Non, t'aimes Google Earth? Ouais. Google Earth, là, tu peux zoomer sur la planète, voir. Tu peux aller où tu veux. Tu peux même aller voir jusque dans ta maison. Bon, ça c'est sur Street View, mais quand même. Google Earth en tapis, François, sur la vue satellite. C'est l'artiste David Hanauer qui a pris des photos directement sur Google Earth, sûrement sans le demander. Il a changé ça en tapis de 4 par 6 pouces et qui montre une vue sélectionnée dans le sens qu'il a choisi des places qui sont artistiquement belles sur un tapis. Et ça fait un genre de. D'effet miroir un peu, tu sais, c'est comme super symétrique. Donc, tu peux vraiment. Je suis pas sûr de bien comprendre, je vais aller voir. On va voir sur l'article, c'est sûr. Mais tu peux placer plusieurs tapis un après l'autre. Ça va faire un petit peu comme un papier peint ou un arrière-plan dans Windows quand tu fais mosaïque. Là. Ouais. Ça se colle un après l'autre puis ça se répète. Tu as l'impression que c'est juste un grand papier peint. Et tu pourrais acheter plusieurs tapis, les mettre un à côté de l'autre et ça ferait une genre de symétrie. Mais c'est pas fantastique. C'est beau! Arrête donc, c'est beau! Tu peux faire comme un gros géant vert, des petits pois, là. Puis le plus du monde. Mais là, tu choisis l'image. Choisis le design, c'est ça. Je sais pas si tu peux choisir l'image que tu veux, mais tu peux choisir parmi plusieurs designs que lui a choisi. Là. OK. Pour être symétrique, je crois pas que tu peux choisir n'importe quel. Là. Parce que tel quel, je trouve ça moyen. Ça dépend des goûts. Là. C'est une question comment super ça vaut, subjective. Ça? Ben, le site Device dit que ça coûte 500$, mais je sais. Mais le site web dit que c'est sur demande les prix. Sacrifice, hey, perdez pas votre temps. C'est un tapis de 4 par 6. Non, 4 par 6, 500$. J'ai dit pas aussi tantôt, c'était évidemment pied. Mais comment, tu dis? 4 par 6, 500$. C'est cher. Ben, c'est de l'art. Ben ouais. Juge pas l'art. Là. Non, juge pas l'art. Juge pas le prix de l'art. T'es pas placé pour juger l'art. Ta blonde, t'es en art. Là. Oh oui, ouais. Mais je juge le prix de l'art. Tu peux juger le prix de l'art. Ouais, t'as raison. C'est ça qu'ils disent à chaque matin à RDI là, quand ils disent le prix de l'art. Là. Ouais, c'est ça. Faut que tu te bases là-dessus. C'est ça. Puis ça vaut vraiment pas ça qu'ils disent. Non. La livre. OK, ensuite, tu veux. T'as un pyjama. Tu portes un pyjama quand tu dors, toi? J'imagine, tu fais semblant que oui. OK. Ouais, oui, je porte un pyjama. Oui, je porte un pyjama, Mathieu. D'accord. T'as besoin Rayé. Ben, vente pas trop d'affaires non plus. Je n'invente rien. C'est pas ça que tu portes en ce moment, ton pyjama. Ah ben excuse-moi, oui. C'est une blague. Ah, bon. Coupe mon micro. On va dire le gros mot. C'est pas un pyjama, c'est une nappe, de toute façon. Non. Je l'aime, ta chemise, je te l'ai déjà dit. Ah, bon, avoir l'air d'une nappe, mais je l'aime. OK. Donc, t'as besoin de faire chauffer ton pyjama, François, parce que t'aimes ça, avoir le sentiment. Oh, c'est une bonne de... idée, ça, par exemple. Ben, c'est ça. Moi, ouais. Celui-là, je songe à m'en acheter un. Ouais. Parce c'est que, ça? Ben, pour vrai, quand ton pyjama sort de la sécheuse, c'est littéralement hot, OK? Ouais. Donc, le sentiment, le feeling du toasty pyjama pourrait être à vous pour seulement, ça coûte 40$. C'est la Pyjama Warming Pouch. Donc, tu mets ton pyjama ou encore ton chapeau, peut-être pas ton chapeau, ta tuque. Ouais, tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Des gants, c'est ça, des bas, peut-être. Ah, des bobettes. Là, on vient de décider que 40$, c'était vraiment efficace. Une tête d'oreiller, mais n'importe quoi. Une serviette même. Tu branches ça dans le mur et évidemment, l'intérieur de satin thermique réchauffe ça à 118 degrés Fahrenheit, ce qui réchauffe tes vêtements en seulement 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes avant de te coucher, là. Pendant que tu regardes la TV, tu branches ça dans le mur, 10 minutes, tu t'en vas te coucher, t'es content, là. Ouais. T'es vraiment très content. Ça coûte, ça prend environ 50 watts d'électricité, ce qui est plus ou moins la même chose qu'une ampoule normale. Une ampoule de lumière, là. Ça prend pas beaucoup d'électricité. Ça mesure 19 pouces par 15,5 et c'est super pour le voyage, entre autres. 40$, comme je disais, sur le site de Amaker. Ça, c'est dans mon top 1. Top 1. C'est chaud. C'est comme au coconut. Une autre affaire chaude, parce que c'est hot au coconut. Des oreillers en forme d'animaux qui sont branchés USB et qui chauffent. Ouais. Pour te chauffer les fesses, peut-être. Les USB Animal Cushions. Il y a des chiens, il y a des chats. Et même que quand tu le regardes, j'avoue que je la vois, la forme. Là. Ça ressemble vraiment à un petit cochon. Ou un petit chien. Parce qu'au début, je me disais, il me semble qu'ils se ressemblent tous. Là, tu regardes le nez, tu regardes les oreilles, comment ils sont placés. Non, c'est joli. Et ça se défait pour devenir un petit coussin. Et tu peux aussi le brancher en USB pour le faire réchauffer. Ça coûte 40$ directement du Japon. Bon, moyen. Ça, je sais pas. Pas aussi fun que l'autre. Non. OK, c'est l'hiver. Tu veux lancer des boules de neige à ton ami ou ennemi. Okay? Ça, c'est hot. Ben, c'est ça. C'est un crossbow. C'est une affaire. Comment t'appelles ça? Le tir à l'arc. Tir à l'arc. Ouais, une arbalète, peut-être. Genre. Mais pour les boules de neige. Et non seulement ça, mais en plus, le crossbow snow launcher, ça vient avec une snowball press, une presse pour faire des boules de neige parfaites. Ça vient avec ça pour 40$. Donc, tu prends, tu fais la forme de la boule, tu mets ça dans ton affaire, arbalète, schling! Tu gagnes à tout coup. C'est hot quand même. Je sais pas si ça va très loin, là, mais. Ouais, attends un peu, il y avait le détail, je pense que ça le disait dans l'article. Jusqu'à 60 pieds. 60 pieds? 60 pieds, c'est plusieurs tapis. C'est des 500$, pas mal de 500 à filer. Mieux investi, je trouve. Ouais, ben pour 40$, ouais, on dirait que. Ouais. Ça te tente, ça, ouais, là? Ben hein? ça pourrait me tenter. Quand même. Je pensais pas nous créer des vrais besoins matin. La beard beanie. OK. La barbe? Barbe, ça a rapport avec une barbe, en effet. Une t'as tuque. Froid l'hiver. C'est une barbe puis une tuque. T'as froid l'hiver, tu veux te protéger la tête, mais aussi la fesse. Mais tu veux pas porter une cagoule parce que tu vas avoir l'air de terroriste. Hein? Ouais, mais en même temps... Tu vas avoir l'air de terroriste avec ça aussi. Ouais. Ou encore, tu vas faire peur à ta grand-mère quand tu vas te présenter chez elle. Mais ça a l'air d'un portrait robot. Un peu. Ben, dans le fond, ce que ça fait, c'est une barbe de laine qui est attachée à une tuque. Donc, tu mets ça sur ta tête et ça te fait vraiment une barbe. Tu peux choisir la sorte de capuche. C'est 50$ environ. Fait à la main. De capuche ou de tuque? De tuque, en fait. Ben, c'est une genre de tuque. Ouais. En fait, je sais même pas si ça vient avec la tuque. Ben, ça n'a pas le choix. Hein? Ça n'a quasiment pas le choix. Sinon, ça pourrait s'attacher au côté. Pour 50$, c'est sûr. J'espère, ça ben, ouais. Ben, c'est vrai, t'as raison. Bon point, François. Tu gagnes. OK. Et on termine avec mon préféré dans les loufoques. OK. Tu te mets tout le temps une petite ficelle au bout du doigt, j'imagine, François, pour oublier les affaires. Non, t'as jamais fait ça? Non. Tu fais ça? Jamais. Jamais parce que j'oublie pourquoi j'ai mis ça. Il faudrait que j'ai une autre ficelle pour me rappeler de quoi parler la première ficelle. Mais à la place, François, c'est vraiment chic quand tu décantes l'oreille comme ça. Me gratte l'oreille. OK, tu te gratte. Ça me pique. Donc, c'est une montre, mais en post-it, François. Donc, c'est vraiment... Ouais, je la vois. Ouais, c'est cool, de ça. Marque post-it, là. Ouais, donc, ouais. Tu prends ça, ben, t'écris ta note sur la montre, OK? Et tu peux t'enfiler ça et coller de l'autre côté. Ça colle parce que c'est la marque post-it. C'est pas la marque genre bureau, en gros, que oublie ça si tu veux le coller. Hein. Oublie ça, total, parce que ça va durer deux. Oui, bureau, en gros, marche. J'avoue, j'ai pris de mauvaises marques. Bon. Je vais pas leur faire de mauvaise réputation. Bon. Mais il y en a d'autres, mettons, chez Dollarama, là. Ouais, oh, non, mais... Ça colle pas. Est-ce que t'as essayé la gomme bleue chez Dollarama? Non. Pire invention ever. Ouais, pour vrai. Ça sent le yard. Ouais. On a joué à Cranium chez ma sœur récemment. On avait de la gomme bleue qu'elle avait achetée chez Dollarama. Et à chaque fois que... Ça, c'est pour faire des... Les pâtes à modeler. Ouais, les pâtes à modeler. Parce que la pâte à modeler était rendue dure, puis on n'avait pas la recette, puis on aurait pu la faire, mais ça aurait pris 20 minutes. Fait que tant qu'à ça... Rajoute de l'eau. Ouais, ça. On a essayé, ça marchait pas. Non? Alors, bref, on a essayé de la pâte bleue de chez Dollarama. Ouais. Et je tombais tout le temps sur un défi modelage. Parce que je suis super bon à ça. Sérieux, 3 secondes, puis c'est deviné. Tour Eiffel. Ouais. Donc, on a essayé ça, puis non, ça sent vraiment mauvais. Puis après ça, t'as les mains toutes huileuses et bleues. Ouais. Et là, tu vas te laver avec du savon 6 fois, et ça c'est encore pas. Collant. Ouais. Encore collant. C'est genre de la graisse qui sort. Dégueulasse. Ouais. Dégueulasse. Pas une savon à vaisselle. Ouais, n'achetez jamais ça. Avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette un ragoût de chronique variée. Bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à la chronique Va voir ailleurs. J'y suis cette semaine, j'en dis ci, j'en dis ça. Chronique mondaine numéro 2. En effet, vous avez été vraiment nombreux à m'avouer votre plaisir coupable à lire et à entendre ma récente chronique mondaine, où j'ai tenu rigoureusement et avec doigt d'honneur, s'il vous plaît, à signaler les bons coups et à rapporter les plus inspirantes paroles de notre chère élite municipale. Donc, je récidive, à force de promesses là, qu'on m'a arrachées en fin de 5 à 7, je dois dire, et je vous offre cette série de moments croustillants qui nous informe de la qualité des êtres qui contribuent à faire de Trois-Rivières une ville de monoculture et d'histoire au pluriel. Ceci dit, je ne m'exécuterai pas sans avoir préalablement levé mon verre, et ceci très humblement, au grand maître local du genre mondain, dont je ne peux que prétendre approcher le style, son style pétri de finesse, de délicates observations essentielles sur notre monde et d'une intelligence du propos qui ferait passer curieux Bégin sur la route pour Jean-Paul Sartre. Alors, je m'exécute. Paraîtrait calme. Notre Fred Pellerin, rien qu'à nous, a récemment rendu un vibrant hommage au poète Gilles Vigneault lors du dernier gala de la disque. J'ai rencontré Fred dans les coulisses après le spectacle. Ah, ému, il m'a confié ces mots d'une grande sagesse. J'en rajoute trop, je peux l'avouer, je dirais que je dirais qu'une fois, je dirais que je dirais qu'une affaire. Hé, tu nous enlèves les mots de la bouche, mon Fred? Pas de la gorge, pour être plus précis. Parlant de langue dans le vinaigre, le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, songe à participer à l'émission « On prend toujours un train », tellement le projet d'un TGV en région semble mort. On peut pas en vouloir au maire de voir grand. Le joli sapin de Noël de 400 pieds de haut dans le port de Trois-Rivières témoigne tout simplement de son grand sens du rêve. Lévesque m'a par ailleurs avoué avoir eu une enfance très modeste. Je le cite. « Quand j'étais jeune, à Noël, on recevait des oranges en cadeau et on n'avait même pas de sapin. Maintenant, à Noël, je suis fier de pouvoir dire à mes enfants, « Vous les aimez peut-être pas, vos oranges, mais au moins, on a un hostie de gros sapin de Noël cette année. Venez, on va aller le voir encore. » Et jamais 203, j'ai obtenu une autre touchante confession de notre bon maire Lévesque, qui cette fois avait les yeux mouillés, le regard perdu dans ses œufs brouillés chez Cora. Il dit trouver très difficile la politique municipale et il s'ennuie de son ancienne vie en tant que propriétaire de Harvey's. Il m'a confié « À l'époque, les choses se faisaient. J'avais une équipe docile. » Les cas de brutalité policière sont malheureusement en hausse à Trois-Rivières. J'en ai glissé un mot au sympathique policier Michel Letarte alors que je le croisais à l'entrée d'un bar, le coin Royal et Saint-Georges. Le représentant de la sécurité publique de Trois-Rivières, dont on connaît également les beaux talents de chanteur de charme, il m'a regardé d'un air grave avant d'entamer cet air connu de Michael Bublé, « Haven't met you yet ». Hey, qu'est-ce qu'ils ont en commun Ingrid Saint-Pierre, Ruth Hélène Brosseau et le Star Wars Kid? Ils se font encore carter en dehors de Trois-Rivières. Comme à chaque année, le Noël du pauvre fera se succéder sur la scène de la salle Grand Antonio Thompson une trentaine d'artistes pour encourager notre générosité à l'endroit des plus démunis. Moi, je trouve surtout que le Téléthon est généreux à l'endroit des has-been. Dans la catégorie « J'en reviens pas qu'on m'engage cette année », mentionnons les bébés, J.C. Lauzon, Nicole Martin, Elvis Lajoie, sans oublier Claudette, Liette, Paul et Daniel Dion. Je ne saurais dire combien j'aime l'UQTR et sa population étudiante. Un doux vent de liberté y souffle en continu. Les jeunes sont beaux, belles. Le café de la Chasse-Galerie est équitable et même buvable. Et on peut donc y changer le monde, bien au chaud, à l'abri de la misère humaine. Or, le méchant envahisseur capitaliste s'y est pourtant immiscé avec ses perfides bannières Tim Hortons, Sodexo et Starbucks, qui causent un tort irréparable à l'affirmation de notre culture québécoise. C'est pourquoi, face à cette menace, je suggère que soient rebaptisés ainsi les pavillons universitaires suivants, afin de mettre en valeur les grands esprits de notre société québécoise. Je suggère le pavillon Martin Deschamps de la pratique sage-femme, le pavillon Pierre Mailloux de psychoéducation, le pavillon Jean-François Harrison d'enseignement préscolaire et primaire, le pavillon Pierre-Carl Pellado des arts et... pour ne jamais oublier nos erreurs, le pavillon Marc Périllard à la vie étudiante. Toujours du côté de l'UQTR, les étudiants de génie ont exprimé un certain mécontentement à l'endroit de leur nouveau slogan départemental qui est « Un choix de génie ». On lui reproche à ce slogan de ne pas traduire adéquatement la motivation profonde des étudiants de génie, c'est-à-dire de pouvoir porter librement un survêtement de travail orange tout en croyant que celui-ci fait l'objet d'admiration des autres. Hélas pour les étudiants de génie, leur proposition de slogan « Une chienne pour la vie » n'a pas été retenue par le département. On le jugeait trop difficile à épeler.

Les chats sont tellement excités par ces affaires-là, c'est ridicule. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas. 40$ sur Internet, donc allez voir assemblagerequis.com. Je sais pas, j'imagine comment... ça doit pas, tu dois pas pouvoir aller à une distance là, trop, trop loin. Trop, trop... distante. Je sais pas. Hein. Ouais. Ça a l'air à vouloir sauter partout, ça, là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, si t'as un chat, là, c'est le chaos total, là. Voyons, non. Le chat part après ça, t'as le char, là, tout le monde se fonce dedans, un accident, tu... Ça coûte 40$ quand même. Okay, hold up the dolly. Restez avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette un ragoût de chronique variée. Bonjour à tous, ici Sébastien Dulude pour une autre chronique Va voir ailleurs. J'y suis et cette semaine, on s'intitule Symptômes. Parce que la question se pose, on est en fin d'année, on pourrait faire un petit bilan culturel. Trois-Rivières est-elle en bonne santé culturelle? On aura certainement tendance à répondre par l'affirmative parce que c'est vraiment palpable, il y a une vitalité de l'offre culturelle ici, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, donc on pourrait certainement dire oui. On sent en effet que les institutions principales de la production et diffusion de la culture d'ici sont des organismes vraiment en bonne santé, qui affichent une belle mine. Il y a la Corpo de développement culturel de Trois-Rivières en particulier qui assume sereinement son rôle fédérateur dans la production et la coordination d'événements. Bon, la Corpo, c'est eux qui ont le Théâtre du Cégep, la salle J.A. Thompson, des lieux de diffusion comme ça. Récemment, ils ont acquis aussi l'église Saint-James. Aussi, la Corpo est pas trop angoissée par sa nouvelle cohabitation avec son ambitieuse nouvelle demi-sœur, c'est-à-dire la Corporation de l'Amphithéâtre, qui, elle, promet de faire passer Trois-Rivières dans les grandes ligues nord-américaines sur le plan culturel et touristique. Ce sera à voir. Et de son côté, il y a Culture Mauricie aussi qui s'affaire à réaliser son mandat de concertation régionale au moyen de toutes sortes d'initiatives structurantes, notamment avec des liens avec l'industrie touristique. Tout autour, il y a des festivals, des biennales et d'autres organisations culturelles récurrentes qui ont le teint rose d'individus bien nourris et épanouis. Et d'ailleurs, les médias en témoignent semaine après semaine et couvrent systématiquement toutes leurs activités. Mais derrière cette peau d'apparence saine, je vous le demande, mais je dirais qu'un examen attentif saurait détecter certains indices de problèmes de santé éventuels qu'il serait indiqué de traiter rapidement. C'est ce qu'on conseille. Donc, voici un petit diagnostic de quelques symptômes inquiétants. Tout d'abord, l'hypertrophie testiculaire. L'été dernier, une nouvelle comédie musicale foulait les planches de la salle Thompson. Impossible d'avoir manqué son arrivée dans le paysage médiatique parce que Testimo s'annonçait comme un digne successeur à Showtime. Showtime, d'ailleurs, au cas où vous auriez des problèmes de mémoire importants, c'est le Brou trifluvien. C'est une comédie musicale qui a été présentée pendant une dizaine de saisons, 10 saisons pour être précis. Le spectacle Testimo est une coproduction et de la Corporation de développement culturel et des productions fidèles, dont le vice-président est Stéphane Boileau, qui est également le directeur artistique de Testimo. Et un autre emploi digne de mention sur son CV, c'est aussi le directeur général du Festivois. Aussi solidement encadré, Testimo était destiné à se faire des couilles en or, mes amis. L'appareil publicitaire pour promouvoir Testimo a été d'une envergure rarement connue en Mauricie. Un battage publicitaire dans tous les médias, beaucoup d'argent investi, Au final, après un été, selon les productions fidèles, une quinzaine de milliers de spectateurs ont assisté aux 30 représentations du spectacle pour un ratio d'occupation de 66 %. Donc, en moyenne, les salles étaient aux 2/3 pleines. Une indiscutable réussite, donc, sous cet angle. Autre symptôme, ventre plat et vide. Alors, parmi les stratégies de promotion utilisées par Testimo, il y en a une, moi, qui m'est apparue absolument inacceptable. Le Nouvelliste relatait le 8 juillet dernier, soit le lendemain de la toute première représentation de Testimo, que le spectacle avait été bien accueilli par le public, mais que la journaliste ne pouvait émettre aucune critique du spectacle. L'article se bornait à recueillir les impressions d'après-spectacle du public. C'est quoi la raison qu'on invoquait? Eh bien, l'équipe de production avait imposé, et là je cite, tenez-vous bien, l'équipe avait imposé un embargo sur toute critique du spectacle de la part des médias. Jusqu'au jeudi suivant, donc ça c'est la date qui était prévue pour la première médiatique. Un embargo. Notez qu'on ne dit pas par exemple « Oh, on nous a demandé d'user de discrétion en attendant la première médiatique » ou n'importe quelle autre formule qui laisserait suggérer un minimum de respect pour le travail de journaliste. Non, non, non, non, non. Un embargo. Ça m'apparaît sidérant. Comme ça, le show n'est pas prêt pour les médias, mais il est prêt pour le public? Voyons donc. Je ne sais pas si c'est l'arrogance de l'équipe de production qui me choque le plus ou l'aplat-ventrisme de la rédaction du Nouvelliste d'avoir accédé à une telle requête. Est-il besoin de rappeler qu'un journaliste n'est pas un agent de communication à la solde d'une production, mais un professionnel dont le devoir est d'informer? Le journaliste n'est tout de même pas pour informer le public de ce que le public lui-même a pensé du spectacle, non? Un vox pop, là, c'est pas un article de fond. C'est complaisant, ça m'écœure. Présentez-moi ça de tous les côtés, vous n'arriverez pas à me convaincre que cette situation-là est saine. Ce jeu d'influence est nocif pour la presse artistique qu'on prend en otage pour la commercialisation du produit. En plus, ça témoigne d'un manque de confiance quant aux capacités du spectacle de s'imposer de lui-même par lui-même. Donc, on sort le rouleau compresseur et on écrase la presse. Autre symptôme, agoraphobie. Si la presse est à ce point liée par les gros producteurs culturels, comment espérer que la critique artistique puisse s'intéresser aux plus petits événements diffusés un seul soir? Il reste aucune place. Or, on sait bien qu'il n'y a qu'une seule logique qui permette de faire augmenter un nombre de pages, le nombre de pages culturelles d'un journal. C'est en achetant plus de pubs. Mais si presque tout l'espace est occupé par le compte-rendu des seules productions qui achètent la pub, non seulement ces productions-là bénéficient d'une double visibilité, donc la pub plus l'article, mais les petits sont éternellement relégués aux nouvelles brèves, sans photos, sans compte-rendu post-événementiel. Combien d'événements auraient profité d'un article de fond au lieu d'un testimo sous embargo qui a donné lieu à un texte creux? Combien d'événements auraient profité d'un article d'une demi-page pour parler d'eux plutôt qu'un testimo où on pouvait justement rien dire? Quelle chance dans ces circonstances-là pour un événement autoproduit de faire l'objet d'une critique artistique? Bien, je vais vous le dire, ils sont presque nuls. Conséquence, les journalistes n'assisteront même pas à votre événement. Alors, quelques pistes de traitement, posologie. Pour traiter d'un sujet aussi vaste, ça prendrait des nuances, des exemples, donc je vais me limiter. Mais je voudrais surtout dire, et je reviendrai de toute façon, mais je voulais surtout dire que c'est pas juste le Nouvelliste que je cite à comparaître comme ça, sans prévenir. Il y aurait aussi d'autres critiques à adresser à plusieurs médias. L'hebdomadaire Voir Mauricie, par exemple, il déçoit régulièrement. Il y a toutes sortes de raisons d'en être déçu. heureusement pour le voir, il y a le blog qui permet de... à cause d'être libre des contraintes du papier, permet d'ajouter un peu d'informations au fur et à mesure, d'être un peu plus dynamique. L'information de l'Hebdo Journal aussi est bonifiée par son blog. Donc ça peut venir compenser une fois de temps en temps. Mais au Voir en particulier, avec un seul poste de journaliste, le Voir subit les aléas des disponibilités et de l'intérêt fluctuant de sa rédaction. Il y a eu un changement de garde récent au poste de rédacteur en chef chez Voir, donc ça pourrait donner lieu à un déplacement du foyer d'attention du Voir vers une culture plus alternative, souhaitons-le. À la télévision, malgré la qualité des journalistes en place, le temps d'antenne dédié à la culture est vraiment anémique. Et c'est pire encore à la radio commerciale. En fait, à la radio commerciale, on ne parle à peu près pas de compte-rendu de spectacle. Du côté des aidants naturels, il faut bien les souligner, il y a le travail constant d'information qui est réalisé à l'émission matinale de la première chaîne de Radio-Canada, qui, eux, disposent de 3 heures quotidiennes. Donc, c'est amplement de temps pour pouvoir couvrir les actualités culturelles et donner la parole aux artistes, ce qu'ils font très bien. L'émission Les Arts, également diffusée à Vox, fait preuve d'une très belle curiosité à l'endroit des créateurs d'ici. Et la radio, évidemment, c'est fou. Radio Campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières regorge de passionnés de culture, comme vous pouvez, fidèles auditeurs, l'entendre à tous les jours. Également, le journal Zone Campus, que vous pouvez prendre une copie papier ou lire sur le web, manifeste une présence soutenue depuis maintenant 6 ans dans les milieux artistiques. Son indépendance en fait un outil indispensable pour stimuler les habitudes culturelles et questionner les pratiques dominantes. Et ça se vérifie d'ailleurs tout ça par une seule et simple question. Cette chronique que je fais à chaque 2 semaines, quelle autre radio ou quel autre journal la publierait? Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'était Sébastien Dulude pour Va voir ailleurs. J'y suis. À la prochaine. Hein? Merci beaucoup, M. Dulude. Bon, ça, merci Sébastien, en effet. Et je partage tellement son opinion sur tout ce qu'il a dit. De joyeuses fêtes à M. Dulude aussi. Oui. Joyeuse fête, c'est mérité. Après autant de travail à critiquer les choses, le statu quo, branler les affaires, shaker la petite boule de neige. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, François-Olivier Marchand. Oh! Oui, c'est la chronique où je vous présente des solutions à vos problèmes de tous les jours. Oui! Et évidemment, si vous n'avez pas ces problèmes-là, ben, on vous les crée, hein? Ouais, c'est un peu ça. On crée des besoins. Problème number one, François. Vas-y, verre d'alcool, OK? Hein? Un verre d'alcool, un verre de liqueur, mettons, ouais. Ou un verre de boisson gazeuse, okay. Ou un verre d'eau. Mais la glace vient tout le temps diluer la saveur de ton alcool. Ça ouais. Arrive, c'est tout le temps ouais. Le cas. Des fois, c'est le but. Des fois, c'est le but, en effet, mais des fois, c'est pas le but. Et là, c'est dommage dans ce temps-là. Donc, pourquoi ne pas acheter les Skybar Chill Cubes? Ça vient sur un petit socle. C'est des cubes de... est-ce que c'est en métal solide. Tu tiens ça, tu gardes ça dans le congélateur jusqu'à temps que tu sois prêt à l'utiliser. Tu les mets dans ton verre, ça refroidit en quelques secondes. Et ça peut être réutilisé encore et encore et encore. Ça coûte 40$ la paire. C'est quoi? C'est des blocs de métal qui viennent sur un petit socle de plastique. Tu peux les mettre dans le congélateur. Okay. Quand t'es prêt, tu le sors, tu mets ton cube dans ton verre, ça tient au froid et ça, ça s'active en quelques secondes. Ah. Pas pire. Ah, c'est hot. Moi, j'en veux. Ah. Deuxième sujet, c'est les câbles sur ton bureau, OK? Donc, t'as des câbles tout le temps, t'as des câbles USB. Oui, oui, des câbles. Okay. T'as tout le temps des fils USB, des affaires, je sais pas, n'importe quoi. Et t'as aussi une tablette, par exemple, je sais pas, un iPad ou quelque chose qui ressemble à ça, juste un ordinateur de tablette, OK? Mm-hmm. Et tu veux pouvoir cacher tes fils. Donc, c'est un genre de morceau de plastique qui a une petite ouverture dedans. Tu peux placer tes fils à l'intérieur et là, il y a un angle après ça et ton iPad va dessus ou ton autre tablette comme ça. C'est comme un genre de socle. Pour ton iPad. Oh. Mais pour l'instant, c'est un projet Kickstarter, donc c'est, tu sais, on demande de l'argent, tu sais, puis après, ouais, ça, ouais, si on ça. Atteint le but. S'il y a assez d'argent, on. Tout le monde a mis son dépôt, etc., etc. Donc présentement, c'est 25$ pour précommander, mais ça a pas l'air de lever bien, bien. Il reste comme 2 semaines, puis il reste tout plein d'argent à ramasser sur les 27 500$. Sur les 27 500$ qu'il faut pour faire ça, il y en avait 330$ en date de l'article. Donc, ça monte pas du tout. Non. Du tout, du tout, du tout. Mais quand même, ça a pas l'air si cher que ça pour un produit comme celui-là. Et vu que ça a été popularisé sur Internet, ça me surprendrait pas qu'une compagnie vienne et vole l'idée. Ce qui est un petit peu la chose dommage par rapport à Kickstarter. Ouais. C'est que tu sors ton idée dans ouais, le public. C'est... Non, mais c'est que si t'as l'argent, toi, ouais. Tu peux le faire et puis... C'est ça. Mais en même temps, le crédit ne reviendra pas. T'sais. Il ne reviendra pas au créateur de l'idée qui a posté ça pour la première fois. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. OK, un autre problème maintenant, François-Olivier Marchand. Tu veux cacher des affaires, OK, dans tes poches, mais tu veux pas que ce soit comme à l'extérieur et facile à peut-être, mettons, voler, peut-être un portefeuille, je sais pas trop quoi, peut-être ton passeport. Tu veux cacher ouais. Ça. Tout soit caché. Des sous-vêtements avec des poches. D'autres poches que celles qu'il y a déjà dedans. Là. On s'entend. Des poches sur les côtés, d'accord? Ouais. Donc, mais pourquoi pas, tu pourrais mettre C'est pas super. Disponible en quatre couleurs, bleu, noir, gris et vert, en quatre grandeurs pour 30$. C'est quand même pas si pire, là, pour des sous-vêtements qui sont quand même longs et qui ont l'air semi-confortables, avec des boutons en avant et tout. Là. C'est joli, c'est joli. Ouais. Bubble Shield Bag, tiens, un sac pour tenir votre téléphone, garder votre téléphone au sec. Donc, c'est vraiment une poche, un genre de Ziploc, avec un trou sur le côté, donc que tu peux mettre après ton porte-clés ou n'importe quoi, après ton sac à dos, mettons, tu sais, avec un mousqueton ou quelque chose du genre. Donc, ça ressemble vraiment à un sac Ziploc quand tu le regardes. C'est coté selon les spécifications waterproofing IPX5, ce qui veut dire que c'est protégé contre les grands jets d'eau à des angles. Il y a un paquet de spécifications pour ça. C'est vraiment très, très bien protégé. Donc, protection qui a de l'allure, c'est 20$ pour un sac de 5. Et peut-être que ça pourrait aussi être un bon sac pour un sandwich, si tu veux amener ça. Et quoi, le faire mouiller? Tu veux pas, ouais, c'est ça. Ben, c'est pas bon un sandwich mouillé, François? Ah, ça, c'est vrai, Mathieu. Ça, c'est vrai que c'est pas bon. C'est vrai que tu es d'accord avec moi, François? Ouais. Parlons du snap case maintenant. Qui fait que votre téléphone va avoir l'air d'un appareil photo? Hein, parce que, tu sais, on prend toutes nos photos avec notre téléphone cellulaire, mais on a l'air d'utiliser un téléphone cellulaire, tu sais. Ben oui, mais c'est correct en même temps. Mais non! Non? C'est un problème de la vie. OK, ben oui, c'est vrai. Ouais, ah, où c'est que j'ai la tête, moi, matin? Je comprends ce que je veux dire, mais je suis un peu endormi encore, désolé. Donc, le Snapcase, ça vient de la compagnie BitPlay. Voilà. Et vous pouvez le faire fonctionner avec un iPhone 4 ou un iPhone 4S. On s'entend que c'est visiblement pas mal la même chose à l'extérieur. Donc, les prix et les disponibilités sont pas encore sortis, mais ça va avoir l'air vraiment d'un vrai appareil photo. Si tu veux voir la photo, là. T'as l'air d'avoir un objectif en avant. T'as l'air d'avoir tous les boutons en bonne place. Puis... Ah, c'est sûr que, écoute, quand t'as ce problème, là, c'est sûr que ça doit améliorer ta qualité de photo, en plus. Ou sinon, ça te crée des besoins, c'est ça. Ah, ben oui, c'est ah, ça. Ben oui. Tiens, tes écouteurs sont emmêlés, ça c'est vrai. Oh. Ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Ça là. On en parle souvent dans la chronique, c'est un des problèmes les plus récurrents de la vie. Ah, c'est ça là. Ouais, ça là. C'est plat. Pourquoi il faut se battre avec ces fils là? Ah, ouais. Hein? Puis bon. C'est tellement long le fil là. C'est long des centimètres et des centimètres de mon être. Donc Space Invaders, Earphone Holder, c'est vraiment comme les petites bestioles de Space Invaders, hein, comme sur mon chandail d'hier. C'est beau mon chandail avec Space Invaders. Donc Space Invaders, c'est vraiment ça. C'est dans le fond le petit bonhomme, ok. C'est vraiment cute là. C'est vraiment très très cute. T'enroules tes écouteurs autour de ses pattes, ok. Ok. Et après ça, les écouteurs, en fait, je pense qu'il faut que tu commences par les écouteurs. Et ça fait ses yeux. Tu plugues les écouteurs dans ses yeux. Et après ça, t'enroules autour de ses pattes. Et là, après ça, t'as un petit à l'intérieur de son bras. En haut, il y a des bras. Tu peux venir snapper la fin de ton écouteur, celui qui va dans la prise. Mmh. Donc vraiment, ça fait un petit bundle of joy. Oh, c'est pas pire. C'est une très bonne idée, je trouve. Seulement 5,49$ pour empêcher vos fils de se mêler avec Space Invaders. Mais non. On va y aller avec deux petits derniers. Là. Le temps passe très, très vite. Un bureau portatif avec pavé tactile intégré. La chaleur dégagée par votre ordinateur portable menace de vous retirer les fémurs, demande l'article. ThinkGeek a une solution. Il s'agit d'un mini-bureau que vous déposez sur vos cuisses et qui isole celle-ci de la chaleur dégagée par votre portable. Mais c'est pas tout. Le lapdesk est antidérapant. Hein? Et c'est toujours pas ça. Autre fonction amusante, pavé tactile de 5 pouces de diagonale rétractable qui se connecte sans fil à votre portable par la voie d'un émetteur-récepteur branché par USB. Donc, genre de fonction qui va être utile si vous détestez le pavé tactile de votre portable et que vous voulez l'avoir plus à un niveau plus bas. T'sais. Donc, vraiment, c'est un pavé tactile, le truc. Quand tu mets ton portable dessus, le reste devient un pavé tactile. C'est cool. C'est très cool. Très cool. Comment ça vaut, ça? 80$. Hein? Chez Tingy. Pas de mauvaise idée. Oui, ben oui, pour des gadgets comme ça, avec plein d'affaires, des pilules au café, des boissons pour se tenir éveillé. Moi, c'est surtout ça que je trouve cool sur ce site-là. Mais il y a plein de gadgets vraiment le fun et pour faire rire les gens. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. C'est la chronique où on résout vos problèmes. Hein. Et si vous avez pas ces problèmes-là, mais on vous les écrit de toutes pièces et ensuite on vous les règle. Donc, c'est comme un service qu'on vous rend. Ouais, exact. Une pierre deux coups, deux pierres d'un coup, deux pierres d'un coup. Une pierre Zérin. Pierre Zérin. Une pierre Bédard. Ah ouais. Une pierre Bédard. Je connais pas de pierre Bédard. Non plus. Mais bon. Commençons avec des sous-vêtements anti-gras. Oh. Hein, les Japonais qui disposent maintenant d'une nouvelle arme dans la lutte contre l'obésité. Hein, des sous-vêtements presque d'exercice. D'exercice, mais presque exercice. Presque. Aussi. Presque. Qui brûle des calories presque tout seul. Presque. Il hein? Y a donc bien des presque. Tu vas voir. C'est le MXP Calorie Shaper Pants, qui est un genre de sous-vêtement fabriqué avec un matériel qui résiste au mouvement. Donc, c'est très, très, très dur. Lorsqu'on le porte pour marcher, pour monter ou descendre les escaliers, etc., sa résistance nous force à dépenser un petit peu plus d'énergie qu'on le ferait normalement. Oh. Tu sais, vu que ça bouge moins bien, là, c'est pas aussi tight là, comme des spandex. Hein? En même temps, ça doit être tight, mais ça doit être... Ça t'agrippe, hein? C'est, ouais. Ça moule. Ouais. C'est moulant. C'est moulant.

Avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette un ragoût de chronique variée. Certains de ces gadgets pourraient ne pas s'adresser à un public de l'âge de ton papa, ton grand-père. OK. Ça se pourrait. Ça se peut. Mais certains qu'ils pourraient apprécier, comme ce micro-ondes dans lequel tu peux brancher une clé USB et avoir la chanson que tu veux à la fin quand ton repas est cuit et prêt. Hein? Répète ça. Je te répète. Donc, si tu veux aller regarder la vidéo sur assemblagerequis.com, c'est le BGH Quick Chef qui a un port USB qui vous permet de mettre n'importe quelle chanson dessus. D'attacher une petite clé USB là, de okay. beaucoup de mecs. Tu mets une toune. Tu mets une toune dessus, une chanson, tu mets ça dans ton micro-ondes okay. et quand ça termine, quand ça fait 19,781, puis là, ça chante. Ok. Une chanson que tu viens de. Ok. Ouais. Là, ce que t'as chanté, ça ressemblait à Achy Breaky Dance de Achy Breaky Meal. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas de détails sur le prix pour l'instant, mais ça va être produit en 2012. C'est une compagnie de l'Argentine, donc on ne sait pas si ça va être disponible partout, mais bon, on vous tiendra au courant. Hein. Ouais, c'est sûr, tout le monde va être pendu à nos lèvres. Un micro-ondes qui joue de la musique, c'est super. C'est fantastique. T'as un enfant, t'as une poussette, mais à un moment donné, c'est plate de mettre la poussette dans l'auto. C'est quand même du trouble. C'est dans la valise, faut t'en défaire ça en morceaux, tasser les roues, etc. etc. C'est compliqué, ça. C'était pas d'auto? C'était pas d'auto, c'est encore pire. Faut t'en mettre sur ton dos. C'est, ton dos. Ouais, c'est compliqué, compliqué. Donc ici, c'est comme un genre de Transformers, mais poussette. OK, se transforme en véhicule? Ça se transforme, ça s'aplatit. Encore une fois, il faut que tu ailles voir la vidéo pour voir exactement comment ça se passe, mais vraiment, littéralement, c'est une poussette qui a l'air normale, mais en plus beau, plus belle, mettons. Et puis là, elle se défait automatiquement quand tu appuies sur un bouton. Ça devient une espèce de plaquette que tu mets dans la valise. Ah, c'est cool. Tu repayes sur le bouton, et ça redevient gros. Boom. Et non seulement c'est comme un Transformer, mais en plus, tu peux charger ton cellulaire dessus. Oh. Ça compte le millage. Ça compte le millage. Il y a un écran LCD. Il y a une génératrice dans les roues arrière qui va recharger pendant que tu marches. Ça a des lumières dessus pour les conditions à faible luminosité. Là. Et des sensors. Pour le soir. Pour le soir, c'est ça. C'est, je lisais vraiment exactement ce qui était écrit. Ça veut dire le soir, c'est ça que ça veut dire. Et, des sensors qui détectent quand il y a un enfant dans le siège pour pas appuyer sur le bouton par accident. Pour pas que ça se referme. Puis si, mettons, le sensor, mettons, il fait défaut dans quelques années, puis l'enfant appuie sur des boutons, puis ça, il referme ça, ça... Ah, écoute, tes actions. C'est ça. Comment ça vaut, ça? 850 $, oui. Mais quand même, c'est comme un Transformer. Au pire, vends un de tes poumons, et puis... Vends un de tes poumons? Ouais, c'est fort, ça va être disponible à partir du 6 janvier 2012. Donc je vendrai un rein en premier, mais... Un rein? Ouais. Tu sais, il y a des affaires qui sont plus nécessaires qu'à d'autres. Chacun ses priorités. C'est ça. Ma liste en moi est toute faite. Là, je sais pas. OK, tu prépares du thé à tous les jours. Depuis qu'on a une chronique de thé à Assemblage Rocky, tu prépares du thé tout le temps. Tu me connais, j'arrive toujours avec mon thé. Voilà. Du thé de qualité. Du thé de qualité. Voilà. Donc, c'est une tasse spéciale, OK? C'est une tasse spéciale qui a comme deux genres de... C'est comme un triangle en bas, OK? Mais un triangle, pas très un angle qui va, ça va faire que ça va tomber à terre. Hein? Mais tu sais, un petit angle long, tu vas pouvoir mettre ta tasse d'un côté. Et là, il y a comme un petit compartiment dans la tasse où tu mets tes feuilles de thé. Tu verses ton eau dans ce côté-là. Tu attends que ça fasse le processus là, que ça fait dans du thé quand tu laisses tremper. Là. Et puis après ça, tu revires ta tasse de côté, juste un petit peu comme sur le triangle. Poing! Puis là, ben, ça enlève les feuilles de ton liquide. Ça les laisse dans le petit compartiment. Et puis là, ben, tu peux boire et tu peux te réchauffer les mains parce que la tasse n'a pas comment t'appelles ça, la poignée. Donc, tu peux te réchauffer les mains. C'est super cute. C'est un genre de concept là, vraiment super sophistiqué pour les gens fancy. Une tasse de 6 onces faite en plastique, par contre. Donc, c'est pas lavable aux choses à... Ou lave-vaisselle? Non. Non? Non. Déjà, tu as de savoir, mais non, tu pourras pas lâcher parce que toi, tu feras pas de vaisselle. Hein, c'est ça. Non. Ben non, j'en fais de la vaisselle. T'en fais, bon. C'est disponible en noir ou en blanc pour 20$. 20$ pour une tasse. Mais quand même, c'est beau, là. C'est un beau concept. Bon, ça peut impressionner les gens. Hein? Non? Xavier, je suis sûr qu'il serait impressionné dans sa cagnotte d'été. Ouais. Tu vas y amener ça, de même. Ah, oh, c'est cool, ça. Ouais, j'aime ça. OK, ensuite, tu... Mais... Vas-y. Non, il me tait. Je la vois, mais tu sais, quand tu bois, tu l'inclines quand même beaucoup. Ouais, mais tes feuilles, c'est que t'es pas supposé mettre une poche, t'es supposé mettre des feuilles de thé. Ouais, donc, les feuilles de thé vont sûrement coller sur les parois du compartiment de toute façon, donc tu devrais pas en avoir dans ta bouche. Ok. Sinon, il aurait dû mettre un petit screen que tu peux mettre par-dessus. Ben, il y a comme un. Moi, c'est peut-être. Ah, je sais pas s'il y en a un, hein. Parce que ça parle d'un oui. truc lavable. Ah, oui, ben, c'est non. ça. Non, il y en a pas. C'est ce qui sépare l'eau et. Ah, c'est ça, exactement. Ça sépare l'eau et les feuilles. Ah, mais c'est quand même cool, 20$. Ça va peine. En noir ou en blanc. En plus. Il faudrait juste qu'il augmente le choix de couleur. OK, tu fais des ramen une fois de temps en temps. T'aimes ça manger des nouilles. Des kapasu. Des kapasu. Mais tu sais jamais, tu sais, ah là, parce qu'à un moment donné, quand c'est prêt, ça, là, c'est encore dur. Faut-tu voir, j'y goûte parce que ça va être encore croquant. J'aime pas ça quand c'est croquant. Bon. Donc, ils te font un timer, OK, une alarme, si on veut, en forme de kapasu, kappa noodles. Hein? Et c'est comme un petit robot. Donc, vraiment, ça a l'apparence d'un cup of noodle, OK? Mais sa tête sort, ses bras s'ouvrent, ses jambes s'ouvrent, comme un Transformer, encore une fois, là. Hein? Vous pouvez voir ça en action, en vidéo, sur assemblagerocky.com. Mais c'est comme un petit robot timer qui va dire quand tes nouilles sont prêtes, puis il est en forme de peau, de plein de nouilles. Bon. Fun, hein? Non, OK. Cordies, maintenant, tu sais. Problème, et solution, comme toujours dans la collègue, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Donc, problème, c'est que t'as un ordinateur portable chez toi ou différents gadgets, et quand tu arrives pour... tu débranches le fil, tu mets ton portable dans ton sac à dos, ta console de jeu, tu veux l'amener dans le salon, tes fils tombent tout le temps à terre. Tu sais, quand t'es en train de charger quelque chose sur ton bureau, tu le débranches, il tombe à terre parce qu'il y a pas rien pour le retenir, tu sais. Donc là, faut que tu te ramasses à terre, là, t'es comme à quatre pattes, là, tu fais mal au dos, tu te rends à l'urgence, ça prend toute la journée, puis, tu sais, c'est du trouble, hein? Vas-y. C'est du trouble. Donc, Cordies, ça empêche vos câbles de tomber. C'est comme un genre de petit tortillon, hein? Un tortillon. Une queue de cochon. Une queue de cochon. Et tu peux entrer tes fils dedans d'une façon, genre, dans le petit trou, puis après ça, tu ressors de ça. Et après ça, tu peux empiler tes fils dans ce petit surbouchon-là, et puis tes fils tomberont jamais. Et là, c'est que vu que c'est pris après ton bureau, ce petit tortillon-là, c'est que tu peux tirer sur ton fil, puis le brancher, puis après ça, ben, t'as rien qu'à le retirer de l'autre bord. Ah, c'est hot. C'est vraiment, je trouve, super cool. C'est super cool. Oui, et c'est disponible, ça va être disponible en rose et en gris. HD. En HD, exactement. C'est super beau. Est-ce que c'est disponible maintenant? Peu importe. Personne va l'acheter quand même. Mais bon, c'est disponible si vous le voulez. Pourquoi pas? T'sais. Gâtez-vous. Là. Ça doit pas être cher, ces affaires-là. C'est un bout de plastique. Là, au pire, c'est encore là. C'est ça, c'est encore là. Au pire, trouvez-vous un cochon. Ouais. Dans votre bureau, un petit cochon. Okay. Dans sa queue. Ouais. C'est juste plate quand il a envie. Là. Tu vois tout le temps le mauvais côté des choses. Ah non, mais là, Mathieu. Oh, Mathieu. OK, problème. T'as un gâteau de fête. Ouais, c'est pas un problème à date. À date, ça va très très bien. C'est bon aussi. C'est très très très bon. Mais tu sais, tu te dis, Colin, c'est parce qu'à un moment donné, tu allumes la chandelle, il y a souffle, puis là, faut que tu jettes la chandelle. Plus tard, t'as une autre fête, faut que t'achètes une autre chandelle. Ben, t'en gardes, là. T'as fait pas brûler ben l'hôtel. Ben, ou encore, tu fais ça. Ou encore, tu pourrais faire ça, ouais. J'avoue. Mais ici, c'est les Blowout Magical Cake Toppers. C'est des trucs que tu mets sur ton gâteau, un petit peu comme dans un mariage où tu mettrais un mari et sa femme. Mais à la place, t'as un petit château, t'as une petite voiture qui ressemble aux voitures dans Bagnole, les fines, là. Et puis, ça s'allume, ça, comme une lumière, là, pas comme une chandelle, okay. Une lumière. Puis, tu souffles dessus, puis ça s'éteint. Mais après ça, tu peux le réutiliser, t'sais. Ils disent qu'il y a un processus breveté là-dedans. Donc, on peut seulement utiliser le mot magie parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, cette affaire-là. Mais vous pouvez aller voir ça, c'est une lumière, puis quand tu souffles, ça s'éteint. Mais c'est juste une lumière. C'est bizarre, hein? Ouais, un peu. Ça, c'est vraiment une solution à un problème que tout le monde a, j'en suis sûr. Autre problème, tu vois quelque chose qui se passe dans la rue, ou mettons, faut aller aider une vieille ou bonne femme, ou peut-être ton papa. Mon papa. Ton grand-père, à traverser la rue. Mm-hmm. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, toi, tu veux te sentir plus important que ça. Hein? Faire ta BA, c'est pas assez. Hein? Tu sais, donc, mets-toi une cape. Hein? Donc, on t'offre la compagnie Toddland. Une morph gratuitement. Non, ils t'offrent en échange d'argent ou de plastique la It's a Cape. It's a cape, c'est une cape littéralement dans un tube. Donc, tu gardes ça dans le coffre à gants de ta voiture, tu sors ça, tu te mets ça, tu l'attaches autour de ton cou et soudainement, t'es un super-héros avec une cape rouge. Là. Wow. C'est vraiment important. Oui. Hein? Non? Ouais. Okay. C'est cool, ça. Ben, c'est bien. Ça, c'est un bon cadeau blague. Pour vrai. Hey, t'es mon super-héros de ma vie. Oh, t'es chou à matin. Je suis très, très chou. Wow. Choustache. Choustache. On aime ça? Moi, j'ai dit ça. Ouais? Moi, j'ai dit ça. Non, mais on aime ça. Hein? Quand t'es coquin comme ça, là. Oui? Ouais. Ben, je me mets un chou en dessous du nez, puis soudainement, j'ai une choustache. Hein. Oh. Ou un chou de Bruxelles. Ouais. Oui, bon. ensuite, t'es en réunion, François. T'es en réunion, tu sais, avec le CA, quelque chose de genre. T'as quelque chose de vraiment important. T'as ton habit, t'as ton bien habillé, full crédible, etc. T'as une cravate, mais à un moment donné, il te paye un petit genre de mollo envie de dormir, moi, là. Mm-hmm. Parce que des fois, ça peut être plate, tu sais. Être plate un petit peu. Donc, tu as une cravate gonflable. Tu sais? Donc, tu lèves ça, tu te couches dessus. Après ça, là, tu te réveilles. Puis ça paraît même pas parce que dans le fond, tu as une cravate. Là. Fait que tu es crédible. Ah, c'est cool. Ça. C'est cool. Ça coûte environ 20$ pour cette genre de vessie gonflable qui se change en oreiller. Donc, quand tu souffles à la main, je crois, c'est en soufflant dedans. C'est ça. Donc, c'est rempli de salive. C'est super la fin. Tu dors sur ta salive, hein? Ah, ouais. Tu sais qu'en 2011, le papier, c'est moins à la mode que c'était. Ah, tu sais, ouais. De nos jours, la mode, c'est parler d'intimidation, trucs comme ça. Donc, Little Printer, qui peut te faire imprimer des choses sur un tout petit j'ai comme mis beaucoup trop de petit que j'ai oublié que c'était petite maisonnette. Donc, c'est une petite imprimante Little Printer qui va être disponible en 2012. Donc, ça, il va y avoir des partenaires avec ça. Les partenaires sont Arup, Foursquare, Google, Guardian et Nike. Donc, tu vas pouvoir faire imprimer via ton iPhone ou ton Android sur une application sur du papier thermographique. Thermographique, là, c'est à chaleur, là, un petit peu comme la Game Boy Camera dans le temps. Là, tu pouvais prendre des photos de toi-même avec la petite caméra du Game Boy, puis ça faisait ça, ouais. Sur du papier thermique. Là. Oh, ouais. C'est un peu le même genre de truc. Donc, ça, c'est un peu de la crotte. C'est un petit peu de la crotte, ouais. C'est ça. Ça s'appelle une compagnie qui s'appelle Berg qui lance le Little Printer. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est cute. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est aussi inutile dans le temps, là, quand tu vas prendre avec un. Je crois que c'était un Polaroid ou un Kodak. Tu pouvais prendre des photos, les faire imprimer sur des tout petites affaires. Là. Tu pouvais coller ça dans ton casier. Là. La Game Boy Camera faisait ça aussi, mais il y en avait une en couleur. C'était juste des petites photos de genre 3 cm carrés. Tu sais? Non, je sais pas si tu te rappelles de ça. Mm-hmm. C'était comme un autocollant. Là. Ouais, ouais. C'est un peu la même affaire. T'sais. Ah, c'est la musique de la chose. Ok, ouais, j'étais là. Okay, mais c'est quoi ça? Moi aussi, je cherchais, mais en tout cas, la vidéo, il y a une petite musique. Je voulais la regarder. T'sais. C'est cute. Ah, une photo de son chien. C'est vraiment cute. Oh! Parlant de chiens, parlant d'animaux domestiques, vous avez un animal de compagnie, peut-être que vous avez des poils dans vos prises USB sur votre portable ou votre ordinateur. Moi, ça m'arrive. J'ai un ordinateur, une tour à la maison est à terre sur le plancher. Je sais que c'est pas safe, là, mais quand même. Et il y a des poils de chat tout le temps. Donc, c'est des bouchons pour prises USB. C'est la compagnie Brando qui offre cette solution pas chère à offrir à ceux qui vivent dans des environnements poussiéreux, qui sont peut-être paranoïaques au sujet de la saleté. C'est des bouchons en silicone qui protègent vos ports USB contre les cochonneries qui flottent dans l'air. C'est 1,50$ chacun. Hein? C'est pour dormir plus tranquille. Pourquoi pas? Hein? Pas cher, ça? Pas cher? Pas cher. On continue rapidement avec tu te rappelles dans les films des années 50, 70, les portes de presque toutes les cachettes secrètes se trouvaient derrière des bibliothèques. On ouais, exactement. Sur... Comme dans Batman. Pareil. C'est pas un buste, lui, c'est comme une face. Je pense que c'est un buste. C'était peut-être un buste. Mais en tout cas, il y avait une bibliothèque qui survivrait. C'est la même chose, c'est ça. Donc, le gadget est dans ce cas-ci un faux livre, mais son rôle est plus modeste. Il sert d'interrupteur électrique. Mais donc, c'est cool, ça. Interrupteur, ben oui. Donc, tu allumes la lumière et tu la fermes en tirant sur un livre. C'est n'importe cool, ça. Trois fois. Et après ça, tu fais comme, bon, ben, un bouton se ramasse. Ouais. Ouais. Ou un détecteur de mouvement. Hé, hey, ma blonde. Hein? What? Inceste? Ma sœur. Ma sœur dans sa quelle salle de bain. Quelle confidence ce matin, Mathieu. Ça fait plaisir. Quand tu entres dans sa salle de bain, la lumière s'allume seule. J'étais comme, waouh, on vit en 2012. Puis je sais pas, mettons, tu prends ta douche, elle reste allumée. Tu sais, j'imagine, s'il n'y a pas d'action, mettons. Ah. Très bonne question, ça. Parce que là peut être le problème. Je me vois plus quand je meurs. Okay. Qu'est-ce que tu disais? Vous pouvez brancher le livre sur une cafetière, une lampe de chevet, un grille-pain, n'importe quel appareil pour vous assurer que vous et personne d'autre ne puisse s'en servir. $50 sur Internet. $50. C'est Noël dans nos têtes? Dans nos têtes. Presque. Tu sais, une couronne de Noël, ouais. C'est laid. Ça dépend desquels. Celle-là, en particulier, est vraiment belle. De l'autre part. C'est une couronne de Noël 8 bits. Okay? Donc, littéralement, c'est fait comme du pixel art, tu sais, pixelisé. Là, okay. Avec des champignons de Mario, des petites roupies dans Zelda, une manette de Super Nintendo, un bloc de Tetris, des trucs, les cerises de Pac-Man, des trucs comme ça, là, la petite bestiole dans chose, je me rappelle plus du nom. Puis des petites pièces de monnaie qui clignotent. Les pièces de monnaie clignotent avec des lumières jaunes dedans. Je l'avoue, là. C'est vraiment génial. 20$, ça, j'en achèterais 12, là, j'en mettrais partout. Achète-en, pour vrai? Ben, pour vrai, là. Pour 20$, là. Pas cher, j'adore ça. Il nous en reste deux derniers. On y va très rapidement. Fork, knife, chopsticks. Ça, c'est des baguettes pour manger, là, manger de la nourriture asiatique. Des baguettes. Sauf que en même temps, ces baguettes-là sont chacune un couteau et une fourchette. Donc, littéralement, couteau, fourchette. Ok. Tu manges, miam, bout, couteau. Ah, tu peux les insérer l'une dans l'autre parce que c'est comme une genre de... Là, il y a une petite barre, puis là, il y a un petit trou. Fait que tu les insères dedans et ça fait des chopsticks. C'est cool, ça. C'est très, très, très cool. 10$. Pas cher du tout. Non, ça vaut la peine. Ouais, vraiment, là. Ça vaut vraiment la peine. C'est beau. C'est un bon. Camping, là. Oui. N'importe quoi. Des chouchis au camping. Dernier, une bouteille en plastique qu'on peut accrocher à son sac à dos ou insérer dans le porte-bouteille de son vélo et dont la particularité consiste à faire deux compartiments étanches indépendants. Donc, on peut se faire des genres de slushy drink, mix smoothie drink, jazz truc. Sinon, tu peux mettre de l'alcool. Jus d'orange dans un, vodka dans l'autre. Mélange-tu les deux, là? Ou café dans... Je sais pas si ça marche avec le chaud. Ben, s'ils disent parfaitement... Tu disais quoi? Oui, non, t'as raison. C'est, on peut s'en servir pour de l'eau, du thé, un jus d'orange, verre de lait, deux portions de même boisson si on tient absolument à faire le contraire de ce qui rend le produit utile, comme dit l'article, c'est très, très bien dit. Chaque compartiment contient environ 250 ml. Il semble aussi que la bouteille puisse être démontée pour laver chaque compartiment au lave-vaisselle séparément. Hey, tout le monde gagne. 20$ en précommande. Et c'est chez Quirky. Allez voir sur assemblagerequis.com. Les prix sont sujets à changement pendant la production. Hein? Oui, c'est ça. Ça pourrait monter. Ça peut difficilement descendre. C'est ça. Mais l'idée est quand même pas si pire. Non, c'est pas si pire. Tu sais, comme moi, mettons, je vais au restaurant, je vais mélanger du Fruitopia aux fraises avec du Sprite. Sérieux? Ben oui, ça fait comme du Fruitopia. Gazéifia, t'as le vocabulaire, toi. Toi, t'es coquin ce matin, là. Oui. Je sais pas. Je sais pas ce que t'as fait hier ou. Ouh! Je te trouve coquin, Mathieu Plante. T'es fin. Dans la douche. Donc, puis. Douche? C'est une blague que j'ai mentionnée tantôt, que je fais juste répéter, mais que je ne dis pas au complet. Dans le noir, là? C'est ça, dans le noir. Tout se fait dans le noir. Eh, boy. Pour ceux qui écoutent l'assemblage de Rocky depuis longtemps, on avait Pat Laperrière dans le temps qui faisait des chroniques d'humour. Exactement. Avec les incorrigibles, tu te rappelles de ça? Ben oui, certainement. Comment oublier Pat? Petit Pat, la petite Pat, il nous manque. Ben oui, ben justement, il nous manque. Et maintenant, ben, il a décidé de se réassocier un petit peu avec nous, hein, parce qu'il m'a demandé de une voix dans un de ses sketchs, parce qu'il est à l'École nationale de l'humour, Pat Laperrière, maintenant. Donc, on écoute son sketch à l'instant avec participation de moi-même. Ho, ho, ho. Hey, Père Noël, comment ça va? En vérité, je vous le dis. J'ai le même pourcentage de virilité en manteau rouge qu'avec une robe noire, c'est-à-dire zéro, ho, ho. Oui, c'est vrai, vous étiez, je pense, pasteur à l'époque, c'est ça? Oui, mais les temps ont changé. L'hypocrisie de mes discours paraissait tellement dans mon visage que j'ai décidé de me cacher derrière une barbe pour me moquer des gens. Ah bon, mais qu'est-ce qui explique votre changement de carrière, disons? Une fois, lors d'une célébration de baptême, je me suis simplement fait prendre la main sur le sac. OK. Et ce n'était pas le mien. Ho, ho, ho. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, Père Noël, ce n'est pas très différent d'être prêtre. Okay. En présence d'enfants, vous pouvez, derrière un costume douteux, dissimuler vos érections. Sauf qu'en Père Noël, vous pouvez, sans représailles, vous vider la poche une fois par année. Vous trouvez pas ça trop difficile par moment? Je veux dire, vos églises étaient complètement vides et maintenant, votre lieu de travail doit être pas mal plus bondé de monde, non? Oui, c'est vrai. Mais quand je suis fatigué et que je veux avoir un peu de tranquillité, je n'ai qu'à présenter un verre et dire aux enfants « Prenez ceci et buvez-en tous, car ceci est mon sang livré pour vous. » Ah, c'est un truc discutable, mais bon, ça fonctionne. Hein? Le plus difficile maintenant, c'est quand j'essaie de vendre ma voiture. J'ai beau dire qu'elle a appartenu à un curé, mais personne ne me croit. De toute façon, lorsque j'ai la chance d'avoir un acheteur potentiel, c'est souvent la même chose. Il me demande toujours s'il est obligé de prendre les 42 rênes avec la calèche. Ouais, j'aime que ça d'être assez plate, ça. Oui, c'est pourquoi à l'occasion je fais un peu d'humour. Ah oui, vraiment de l'humour, vous dites. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Savez-vous pourquoi Jésus s'est fait crucifier et non pas noyer? Non, j'ai beau essayer, mais j'ai aucune idée. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais l'air d'un parfait abruti avec un aquarium autour du cou. On sait que l'église va mal aujourd'hui, mais à part votre costume, est-ce que votre travail au quotidien a changé? Pas vraiment. Il y a même eu un rapprochement entre mes fidèles et moi-même. OK. Avant, les gens se mettaient sur les genoux pour entendre mes conneries. Maintenant, ils sont sur les miens. Maintenant, je dois vous quitter. Je suis un peu pressé. Je suis stationné en double. Ma voiture mesure 83 mètres. Et même si j'ai gagné une passe de stationnement ce mois-ci, je doute que le recteur aime voir chier 42 rennes sur le stationnement de son campus. Bon ben, au revoir, pasteur Père Noël. Allez en paix. Ho, ho, au revoir. Voilà qui complète ce guide de l'utilisateur d'Assemblage requis. Merci à Sébastien Dulude qui nous a présenté ses chroniques « Va voir ailleurs, j'y suis ». À François-Olivier Marchand pour la co-animation. Merci aussi aux chroniqueurs et chroniqueuses qui ont participé aux chroniques « Ça existe, mais ça devrait pas là » présentées aujourd'hui. Assemblage requis sera de retour en direct le lundi 9 janvier, dès 7h. Ne manquez pas le Dîner de cons qui vous présente un résumé des nouvelles insolites de l'année. Ça se passe cette semaine entre 11h et 13h. Passez une excellente journée sur nos ondes et à bientôt!